Guadeloupe, Martinique, Guyane, prend la parole dans la première libre antenne des Antilles Guyane. Bonsoir tout le monde. Bonjour. Salut, salut. Hello. Ça. Vous savez où j'ai fini la soirée hier soir, apparemment. Ouais. Les seuls endroits où on fait encore la fête, même plus tôt dans la semaine. Ouais, vous les êtes pas au courant, mais il y a des ambiances un peu cachées, un peu underground. Hashtag G97, hashtag Trace FM. Bonsoir tout le monde, soyez les bienvenus dans Génération 97. Mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi vos micros ils fonctionnent pas? Allô, allô? Mais oui, ça marche le micro. Non, tout... Ah oui? Ouais. Ah ouais, donc tu faisais silence. Ça le faisait bien le mute. Essaye sur le micro là, Maë. C'est bon, ça fonctionne. Ah! Et ben en fait, je trouve ça très agréable quand on n'entend pas bien Sabri. Qu'est-ce que t'en penses, Hugo? Ça dépend quand il fait quoi. Ouais, c'est vrai. Oh, t'es mignon, tu fais une petite réponse, genre toujours le premier de la classe. N'importe quoi. La bonne réponse, parfaite, je me fâche avec personne. Bonsoir, Nishi. Salut. Ça va? Ça va. J'adore, elle bouge le micro systématiquement pour parler dedans. Ça va bien? J'ai mis ta chanson. Merci. Ah, pas du ricolé qui va aller avec. J'ai pas compris. Pas m'emmener du ricolé aussi. Elle a faim, elle a faim. Non mais elle est pas sûre de. Elle a pas que faim là. Ça va? Cool? Ça va. Ouais, on dirait pas hein. T'es en hippo là, t'es en hippo. Ça va pas? Ça va très bien. Ouais, elle fait semblant pour pas qu'on insiste. Comment tu fais? Ça me dérange là ton visage. Ça me dérange. Ça me dérange. So comment on fait là? So comment on fait là pour démarrer l'émission ton visage comme ça là? Hein? C'est quoi le problème hein? So comment ta so vie? So comment ta vie? Pas so commis hein. So comment ta vie? Ça va pas? Ça va. Arrête tes conneries, Nessie. On va pas y passer des heures. Mais justement. Mais libère-toi. Il y a d'autres personnes. Nessie, tu ne sais pas faire semblant. Tu dis que tu vas bien alors que tu vas pas bien. Hypocrisie. Tu sais pas faire semblant. Tu sais pas. Comment ça va, Nessie? Ça va bien. Ah, personne ne t'a cru. Mais tu sais, la meuf surtout, en fait. Mauvaise actrice. Comment? Non seulement mauvaise actrice, mais en plus la nana, elle croit qu'on a oublié en fait ce qui s'échange depuis environ 45 secondes. Genre qu'elle a vraiment un problème, mais qu'elle a pas envie d'en parler quoi. Ça c'est platinum style. Ça c'est pas cool ça. Tu peux faire semblant hein. T'as eu ta fiche d'impôt aujourd'hui? Non, ça y est, j'ai payé les impôts. Ouais. Ah, tu as payé? Bah ça fait peut-être 2 semaines déjà. Ah c'est pas maintenant que... Qu'est-ce qu'elle nous a dit hier? C'est les soldes, elle peut pas les faire à cause des impôts. Je me suis réconciliée avec ma mère. Donc c'est pas sa mère. C'est pas du côté de la famille? Non. Ah, c'est Doudou. Non, pas du tout, alors là. C'est une copine? Non. C'est ton chat. Ton chat a fait caca sur ton lit. Il est propre. Il est super propre, mon chat. Mais putain, t'as pas de problème dans la vie, putain. Ton chat n'a pas fait caca dans ton lit. Non. Ton Doudou t'a fait l'amour aujourd'hui? Oui ou non? C'est pas moi qu'il faut regarder. Mais tu as dit, ah, comme si tu avais une illumination. Oui, tu as perdu un rajout. Ça peut être un problème. Non. Mais tout va bien. Tu es sûr de ça, Nessie? Mais oui. On est le jeudi 6 octobre, c'est pas son anniversaire qu'on aurait oublié par hasard. Bah, si tu dis ça, ça veut dire que tu sais vraiment pas la date. Non, tu connais vraiment pas la date de mon anniversaire. C'était une vanne. C'est vrai qu'en juillet, tu ne m'as pas appelé. Ah merde, c'est en juillet. C'est pour ça. Le combien? Le 23 juillet. Oui. Putain, au hasard, les gars, au hasard. Et pourquoi tu m'as pas appelé? Le 23 juillet, où est-ce que j'étais le 23 juillet? Tu n'étais pas au Belize. J'étais en pleine mer. Ouais, quelque part, dans le monde. Ça ne captait pas. Dans l'espace. Il y avait une tempête tropicale. Ouais, j'ai été dans un cyclone. Ouais, c'est ça. L'avant-première de Mathieu. Tu m'as oublié, c'est tout. Bref, ça va aller mieux? Oui. T'es là pour te détendre de toute façon? Bien sûr. Bon, on va pas te tenir rigueur alors, ok? Mais on oui. va se détendre au fur et à mesure de la soirée. Mm-hmm. J'espère que ça ira bien et que ça ira mieux en tout cas, parce que sinon tu dégages. Tu sors de ce studio parce que tu vas pas nous pourrir l'ambiance. Après le big quiz. Comment elle va la miss Lilou? Bah écoute, moi ça va très bien, content d'être de retour. Maë également avec nous ce soir, salut Maë. Salut, salut. Mon Keshavan Keshi, Calverac. Hé, tu me déranges là. Comment tu dis mon nom là comme ça à l'antenne, c'est pas bien. La divulgation. So comment? Et sinon, standardiste. Derrière le micro. Et pas derrière le standard. So comment? L'assiduité, so comment? So comment? C'est là. celle-là. C'est la sauce comment? Hey Yannick, tu me déranges, allons faire l'émission là. On a Tijo également qui est là derrière les platines. Bonsoir Tijo. Ça va mec? Tijo cool. Sound. On vous attend au 0. Excuse-moi, j'ai pas donné son nom de famille. Monsieur Sound, Tijo de son prénom, Tijo Sound. Tijo Sound, voilà, c'est ça. Il faut l'appeler Tijo Sound. Il faut pas l'appeler que Tijo, c'est ça? Et puis avec Achimide. Ouais, parce que sinon il touche pas l'assassin, c'est ça? Voilà. Ouais. C'est pour qu'il puisse le retrouver, ok? Bon, pas de problème. Tijo Sound 001, non? Underscore 008, hein? Bon, d'accord, ok. 0820-203-200, on a des cadeaux à vous offrir ce soir, on joue toujours avec la pièce. Yes, il y aura du signal qui va retentir au moins une fois ce soir pour aller à l'avant-première en fait du film du What If. Il y a un truc super cool avec les tickets que vous allez pouvoir gagner où que vous soyez, Rex, Madiana ou Agora. La séance a lieu le 12 octobre. Avec ce ticket, vous êtes totalement en mesure d'être tiré au sort pour gagner de très très gros cadeaux. Quand je parle de tableau, je parle de tablettes, de trucs comme ça, enfin très rapidement quoi, de trucs high-tech quoi. Mais ça se passera uniquement pour les tirages au sort par rapport au ticket que vous aurez gagné dans la salle de projection à l'occasion de la sortie du premier film du What If. On se lâche un petit peu de son, on revient, il y a des breaking news ce soir, on parlera de quoi dans les grandes lignes? On va parler de plein de choses. Oh super, ça sent le sommaire, je suis pas prête. On va parler de la Miss Brésilienne. Ça me rappelle, on a un stagiaire là dans le studio, il s'appelle Ticam. Tu sais, il monte des extraits de l'émission. Et le mec, l'extrait qu'il a préféré de toute la semaine, frère, c'est le moment où on fait bon, on fait quoi? Eh ben, on fait rien. Personne n'est prêt. Il a dit ouais. Là, ça faisait vraiment super pas pro comme équipe. Et si vous savez comment il m'a énervé quand il a dit ça. J'ai dû prendre sur moi, les gars. J'ai dû prendre sur moi. Il y a du Hey Baby Hello, évidemment, ce soir. Yes! Envoyez-nous vos numéros, vous les laissez en message privé ou sinon vous appelez directement au 0820-203-200. Premier auditeur de la soirée, il s'appelle, ou elle s'appelle d'ailleurs. Il s'appelle Roby. Roby. Roby, tu es au standard, la sauce comment? Moi, le mien, il fait du nunchaku. Effet spécial, saut comment? Ça va Roby, tu nous appelles pourquoi mec? Oui, c'est pour le Fabien Bébé. C'est pour le faire blaguer. Tu veux faire un canular en fait? Je pense que tu cherches un ami. Parlez pas en même temps les gars, j'ai pas compris ce que t'as dit Rob. C'est pour le faire blaguer par une meuf. Ah, le faire draguer par une meuf. Tu veux faire un test de fidélité à ton meilleur ami? Ben oui. D'accord. C'est ton meilleur ami depuis longtemps? Oui, c'est important. Ouais, c'est quelqu'un d'important dans ta vie en fait. C'est quelqu'un à qui tu tiens. Oui, je connais très bien. Ouais, et quand tu me dis tu le connais très bien, tu penses qu'il va tomber dans le panneau et il va dire oui à cette fille tout de suite? Ah, mais il va tomber dans le panneau. Ça te dérange? Sans comment. Donc on fait un test de fidélité à ton meilleur ami? Oui. Ça marche, pas de problème. Compte sur nous. On va préparer une fille là, machin, etc. Tu es sûr que tu veux entendre cette séquence? Parce que ça peut être douloureux, hein. Tu t'es préparé psychologiquement? Oui. Messieurs, Ajoue pas, hein. Ajoue pas, même. Tu bouges pas, tu raccroches pas, on se fait une petite session de mix rapide avec DJ Ken, Admiral, T-Lesna pour démarrer Fly Away. Hashtag G97, hashtag Trace FM. C'est Génération 97 qui démarre, bienvenue, on s'installe. Femme qui sa wine et ce sont un basse là. Admiral, Balti et puis Lesna. C'est passe à tous les mots, j'en vois un tour. Mon gal, mais la relève, y'en a. Passe tout night, mon répète au fly. Comme un gal, we love them. We love them, we sing this gal. Ça retourne mais pas easy. Quel money déclenche une attaque physique. Tu vois she wine, she a mash up mes head. Des capillés sous body gros physique. Et il peut faire dans tout sens multifonction. Girl, give me a bar on option. Girl, she ride it slow. Moi savais qu'il y a action time. Il est modou vin sous champion boy. Girl, mon rêve est au fly away. Passe à tous les mots, j'en vois un tourné. Girl, mène à relève, you know. Passe tout night, mon rêve est au fly. Moi je fais au fly, girl. Se revive. viens dans mon taxi. Quand elle monte dans la gouva, je claque des doigts, fais une de bois. Dites que j'en prends des doigts en toi. En passant par moi, la moitié t'es cagadé. En dessous, t'es gardé que tu m'as gardé. Et puis c'est pour tout ça, j'ai moins cagadé. Ça n'a pas, tu n'as moins pas d'un menti. Moi, c'est que les moins pas l'en cagadé. Pas fait qu'on s'y tape ou pas cagadé. En plus, ça c'est que y veut ou gardé. Pas qu'elle puis vite qui n'en met ça en tête. Ok, moi, t'as avoué qu'elle moins gardé. Même garder, si bon Dieu bon nous c'est pour nous garder. Mais baby, où ça vient que ça va péter? Rien alors pas bouder, faut pas que ça mette problème entre nous deux. Baby, moi t'es ça, ça ou quoi qui chante? T'es chaque amant, t'es bon, moi. Ou que pas empêcher ou garder même en présence en moi. C'est pas jalouse, moi jalouse, mais ça t'a énervé, moi. L'envoi nous, allez pas garder mon respecte, moi. Si moi c'est qu'à faire pour vous, quand vous faites qu'elle dit, moi. En plus, là, moi tout ça ou quand elle dit, moi. A pas ça ou pas quoi, là, moi t'es qu'à garder. A des sept-cinq ans, c'est que tu m'as gardé. Baby, c'est pour tout ça, c'est que tu m'as gardé. Ça n'a pas vu, mais moi, y'a pas d'avant, tu m'as gardé. Like me, them no bad like me. sing bout crepe, them a sing bout kicker. Me sing bout straight jeans and white tees, them a sing bout slippers. If me sing bout egg, them a sing bout fitter. Me sing bout comb, them a sing bout scissor. And sing bout cut up and shades and Adidas. The one of them a watch it eat. I wonder if me tongue bore, I wonder if me bleach. Call up me name just to get a forward. You just see the one of them a parasite, them a leech. Them think bout a di more than them woman. Them a fish in a di sea, girls a dem a ni ditch. Call up me name just to get a forward. You just see the one of them a parasite, them a leech. Le soir, ta radio se lâche. Tu peux tout nous dire. Trace FM, génération 97. Ta liberté d'expression au 0820 203 200. La radio est libre. On attend que ça, évidemment, pour la déchirer la bande FM. Hashtag G97, hashtag Trace FM. Ici, c'est la libre antenne des auditeurs. Elle est faite par toi. Pour toi. Chez toi. Avec toi. Et même pour toi, même quand c'est que nous, même entre nous aussi. C'est aussi la libre antenne des animateurs. Voilà. D'accord. Voilà. Ouais, enfin, bref. On console nos solitudes tous les soirs. Où que vous soyez, 0820, 203, 200. On est en mode canular, là. J'ai pas tout compris, tout très bien compris. Ou alors, je fais mine de ne pas comprendre. Je ne sais pas exactement. Nous avons un appel de Ajoupa. Ajoupa, en Martinique. Très jolie commune, d'ailleurs. Oui. Très, très belle rivière. Très, très fleurie. Très, très. Quoi? Qu'est-ce qui t'arrive? Qu'est-ce qui arrive au gars en fait? Qu'est-ce qu'il a DJ? Qu'est-ce qu'il a le DJ? On t'entend pas, mec. Donc quand t'es pas en face d'un demande, micro... Demande le nom de la rivière à Ajoupa. Demande le nom. Y'a pas de rivière à Ajoupa? Demande le nom d'une rivière à Ajoupa. Mais... Les sauts du machin. Les sauts bouillons là. Bah oui, Ajoupa bouillon. Si à un moment il y a un bouillon à Ajoupa, c'est que ça bouillonne quelque part, mec. Je vais t'emmener chez moi, Ajoupa. Ah hein? Je vais t'emmener. D'accord. Bon mec, et tu sais quoi? Va planter des arbres. Laisse-moi tranquille. Ok. Je vais discuter avec un vrai mec d'Ajoupa, Roby, qui est avec moi au téléphone. Salut Roby. Oh. Roby. Ajoupa. Oui. Y a des rivières ou pas? Ben oui. Oui, y a des rivières. Ok. Déjà, premièrement, tu habites vraiment à Ajoupa? Ben oui. Ton passeport est français? Comment? Comment? On savait. On était au courant. Ça nous dérange. Bon bref, donc à Ajoupa, il y a bien des rivières. On est d'accord. Les gens, quand ils vont à Ajoupa Bouillon, ils cherchent bien les rivières, quoi. Pourquoi? Le mec, il est en train de vérifier sur Google Maps, tu sais. Il vient de dire une connerie. Le mec, il vient se connecter sur Google Maps pour vérifier s'il y a des rivières à Ajoupa. À Ajoupa, il y a les gorges de la falaise. Alors, je suis pas sûr que non, ce soit à Ajoupa Bouillon, les gorges de la falaise. Je crois que c'est entre... Attention les gars, on va pas s'emballer. Tijo, tu vas pas essayer de te payer sur la séquence de Keshi. T'as dit une connerie à la radio, genre y a pas de rivière à Ajoupa. Le mec vit à Ajoupa. Tu es moitié guadeloupéen, moitié martiniquais et tu es surtout un grand n'importe quoi. Ok? Donc déjà, le gars, il est chez lui. Tu habites dans le bourg même d'Ajoupa ou un peu en forêt là? Dans les cités, d'accord, ok. Bon, alors concrètement, à Ajoupa, tu me confirmes qu'il y a des rivières. On est d'accord. Est-ce que Ajoupa revendique la possession des gorges de la falaise? Je veux dire, est-ce que les gorges de la falaise, c'est à Ajoupa ou pas? Attends. Donc c'est bien Ajoupa. Il vient de demander au maire, c'est son voisin. Mais non, le maire est dans son salon. T'es là pour du canular, tu veux faire un test de fidélité à ton meilleur ami. Ça c'est très très rigolo d'ailleurs, la manière dont on le formule. En fait, en gros, il paraît que c'est un gros chauffeur en fait. C'est un gros maco en fait, ton pote en question. Donc tu veux lui lâcher une petite nana en fait dans les pattes, un peu avenante, pour voir, pour mettre à l'épreuve votre relation en fait. D'accord, ok. Voir si véritablement il y a encore quelque chose à espérer en termes de fidélité, même si ce n'est que de l'amitié, mais en termes de fidélité, quoi. Pas de problème, eh ben on va composer le numéro de téléphone. Qui fait la fille? Hugo. Oh, il y a qui ça? Non, c'est pas vrai. Oh putain, ça fait bizarre dit comme ça. Ça fait super bizarre dit comme ça, Hugo. On dirait que tu sais, tous les soirs, on dit toi, t'es le dernier arrivé dans l'équipe, c'est toi qui fais la fille. Ah non, pas ce soir. On a trois dans le studio. J'arrive bien à soir, les gars, c'est pas juste. Alors, je sais pas qui te couillonne comme ça, s'il y a quelqu'un parmi. Non, je parlais juste du cocoté. C'est tout. Il y a peut-être quelqu'un dans l'équipe de direction qui lui fait bon, Hugo, ce soir, tu vas faire la fille. Mais je comprends pas, il y a des filles dans l'équipe. Je comprends pas pourquoi moi. Bref, 0820-203-200 également sur le net, www.trace.fm. Qui fait la fille? C'est encore plus bizarre. Si tu fais la fille, Lilou? Ouais, je veux. Non, mais je sais pas si t'es capable de faire la fille, Kex. Tu crois? Mais si, Lilou, attends, c'est Lilou. T'as les infos sur le boug ou pas? Ben, il va nous les donner. Ah, on est toujours pas prêt en fait. Ça arrive. Ah, pas de problème, c'est le canular de chez nous. Ah, on n'est pas pressé quoi. Nous-mêmes. D'accord. Arrêtez, c'est la fiche technique pour faire des canulars à joues pas bouillants. Alors la fiche technique, je crois que je l'ai rangée à côté du cahier texte des différentes réunions. Marie-Thérèse, oui. Ah, joue pas avec ça, s'il te plaît. Mais alors attends. Donc je suis censée draguer Lionel qui a entre 24 et 25 ans. Donne pas toutes les informations, donne pas tout. Mais grosso modo, on va appeler Lionel. Voilà, c'est un mec d'Ajoupa aussi ou pas, Roby? Non, basse pointe. Ah putain, énorme les gars, qu'est-ce qu'on voyage ce soir? On a deux pays différents pour faire un canular. Par contre, dis-moi, Roby, je suis censé l'avoir vu où? À quelque part, entre Ajoupa et basse pointe. Au gorge de la falaise, par exemple. Au Lorrain. Tu sais, point de rencontre entre les deux. Où est-ce qu'ils sont censés s'être rencontrés en fait, si elle le drague? La dernière fois qu'il a quitté Basse Pointe. Non mec, pas de questions compliquées, des questions simples s'il te plaît. Le réseau est pas de notre côté. Ok, la dernière fois que t'as vu ton pote, c'était à quelle occasion? Il est venu passer le week-end chez toi? Non, je sais pas. Est-ce qu'il y avait des filles dans l'assemblée? Oui. Oui, donc je peux l'avoir vu à Ajoupa ce week-end. Ouais, genre vous avez traîné, je sais pas moi, sur la place des fêtes. Il y a une place des fêtes ou pas à Ajoupa? Oui. Ouais, Tijo qui se prend pour l'office du tourisme de Ajoupa Bouillon. Le mec est pas foutu de nous dire qu'il y a des rivières là-bas. Bref, peu importe. J'imagine bien qu'il n'y a pas de rivière dans le bourg, frère. Évidemment. Et c'est logique. Il y en a peut-être. Mais quand même, peut-être qu'il y en a. Il y a des rivières dans le bourg ou pas? Il n'y a pas de bourg à Ajoupa Bouillon. Donc, Roby, j'ai croisé Lionel à Ajoupa ce week-end. Et après, je t'ai demandé son numéro. Ouais, parce que tu es une fille d'Ajoupa. Et attention, t'as joué pas, même pas, même beaucoup, tu joues pas. Okay. Donc où est-ce que je l'ai vu à Ajoupa? Bon, tu m'as sur la place. Sur la place? Ouais. Ok. Oui. Dis pas la place des fêtes, c'est trop ambitieux. Ouais, la place. Il était avec son engin. Tu dis la petite vocale. Il était avec son engin ou pas? Oui. Ok, elle t'a remarqué, elle te connaît bien, genre presque, bon, on peut dire ça, on peut dire c'est une cousine à toi, éloignée en fait, ton père c'est aussi son père. Une amie. Non, je rigole, je vais arrêter là. On compose le numéro de téléphone, on est parti ou pas? Je sais plus. Oui, allons-y. On y va, c'est parti, allez, et quand il faut que ça se passe, on y va. On compose le numéro de téléphone, on l'appelle en direct, tu n'interviens pas dans le canular, Lilou se charge de tout. Alors attends, il faut prendre un prénom à la mode à Ajoupa. Véronique. Mais non, ça va jamais passer. Je rigole. Solange. Oui, bonsoir, Lionel. Oui. Oui, c'est Lola, en fait, je suis une amie de Roby. Je t'ai vu ce week-end et... Oui. Lionel. Oui, je t'écoute. Oui, en fait, j'ai demandé à Roby ton numéro. Je t'entends pas bien. Tu peux t'isoler, s'il te plaît. D'accord, mais je suis dans une voiture. Moi, je n'aime pas les bas ouverts. Quoi? Allô? Oui, tu m'entends? Oui. Oui, je te disais, j'ai demandé à Roby son numéro parce que je t'ai vu ce week-end près de la pizzeria. Et du coup, je voulais te parler. Il y a M. Dimé qui a trouvé le Noël. Moi, ma gamme, il y a 900. M. Dimé, il y a un chat PC 1002. Est-ce que tu peux t'isoler? Je n'entends pas bien. Comment tu vas bien là? Je dois parler avec toi. Ça veut pas... Mais il y a du monde autour de toi, ça me gêne. Avec trois fois. Écoute, si tu comprends pas quand une fille veut te parler en sérieux, c'est pas la peine. Mais attends, mais parle pour moi. Il n'y a pas de souci. Parle pour moi. Toi, parce que j'entends les gens derrière, frère. Mets-toi de côté. Oui, Lionel, mets-toi de côté, s'il te plaît, deux minutes. Oui, merci de garder un côté là. Pas ça? Allez, oui. Oui, du coup, je te disais, comme j'aimais bien de te voir ce week-end, j'ai demandé à Roby de me donner ton numéro, ça te dérange pas? Non, mais ce qui me dérange, c'est que tu m'as besoin de connaître. J'aime pas ça. Comme je ne sais pas encore qui tu es, je ne sais pas si concrètement je peux te permettre de me rappeler plus tard. Oui, ben, demande ton numéro. Si tu te débrouilles bien avec la discussion, tu auras mon numéro. Je voulais savoir déjà, tu as quelqu'un ou tu es célibataire? Ouais, je suis célibataire, pourquoi? Concrètement, là, tu peux venir à Ajoupa, vu que tu es célibataire. Personne ne t'attend. J'ai pas compris. Est-ce que tu peux monter à Ajoupa, là? Mais c'est là que je suis, là, normalement. Tu es où? Je suis à Ajoupa. Je suis venu commander un truc à manger. T'es près de la place? Oui, je vais récupérer un truc à Saint-Violet et je retourne. Donne-moi 10 minutes, je me prépare. Faut que je me coiffe. Ouais, ben, le téléphone est encore là, je laisse aller récupérer ça, vous tout de suite. Oui. Ouais, donc, ok, quand tu es sur la place, dis-moi. Ok, je t'attendrai sur la place. Ok. Mais va sur la place. Ok. Je t'appelle quand j'arrive. D'accord. À tout à l'heure. Bon, alors, franchement, honnêtement, je comprends pas. En fait, tu vas entreprendre le leadership de cette conversation et entre complètement soumise. Il faut que tu choisisses, Lilo. Le mec, déjà, il va attendre que tu arrives sur la place. Tu as mis 10 minutes à le convaincre de quitter les amis autour de lui qui faisaient du bruit. Déjà, franchement, honnêtement, mais non, très mais apparemment, mauvais point. Il commandait à manger. Non, il n'y a pas d'excuse qui vaille, ok? Moi, je suis là pour me divertir, mademoiselle, ok? Donc, au bout d'un moment, si tu as vraiment dans l'intention de pécho le mec, tu le fais sur tes heures de récupération personnelle. Dans notre canular, dans notre radio, et je crois parler au nom de tous, oui. Nous sommes là pour le divertissement. Oui, tout à fait. Donc, si... Tu appelles le gars pour lui dire quand tu es sur la place, alors que tu ne seras jamais sur la place. Exactement. Qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qui va se passer? Le mec ne va pas bouger tant que tu ne seras pas sur la place. Voilà. À quel moment tu le rappelles? Quand tu n'es pas là. Eh ben oui. Mais il y a un truc que j'ai pas compris. Est-ce qu'il est... Mais non. Il y a un seul truc que t'as pas compris ou plusieurs? Non, un seul. On dit que c'est un test de fidélité, mais est-ce qu'il a vraiment une copine, ce gars-là? Mais non. T'as rien compris de fidélité depuis d'amitié de Roby, machin. Il y a le replay le week-end. Mets-moi un petit compte chance, on va se débriefer avec Roby là. On remet un peu en ordre là ce canular. Bon, ok, c'est spontané, c'est joli quand c'est spontané, c'est sympa. Mais il faut qu'on y arrive là. Roby, tu penses qu'on tient quelque chose ou pas? Tu penses qu'on peut le faire se déplacer? Déjà le mec est dans la commune. Donc déjà le mec est dans la commune, ça nous pose un problème pour le canular en trois dimensions parce que nous on n'est pas dans la commune, ok? Où est-ce qu'on pourrait l'emmener? À Sainte-Marie par exemple? On pourrait le faire nous rejoindre dans une autre commune. Dans aussi. Mais en fait, ça serait bien de rester à Joupa parce que ça serait bien qu'il te trouve toi. Ben oui, c'est ça l'idée. C'est-à-dire qu'en fait, concrètement, t'es à l'origine de la blague. Et puis n'oublions pas que même si tu le dis pas, il y a quand même une histoire derrière. Il y a quelque chose. Un truc que tu veux savoir. Voilà. Et est-ce qu'il est héros ou pas? Voilà. Peut-être, je sais pas, j'ai pas pensé à ça. Roby. Bisous à ta copine. Prends une perruque à ta maman, il va sur la place. Non, ça va mal finir cette histoire. Ça va mal finir. C'est pour se faire passer pour Lilo. Bouge pas, raccroche pas mec, on revient dans un petit instant. 0820-203-200. Yeah man. Yeah man. Tu lis dans mes pensées ou quoi? Allez, on s'ambiance un peu, on revient juste après sur Trace. Why this make you feel like though? Why this make you feel like though? Why this make you feel like though? Yeah. Come wine till you broke off your back. Broke off your back. Broke off your, broke off your, broke off your back. If you broke off your back. Broke off your back. Broke off your, broke off your, broke off your back. Tell me, know you got the glue. Know you got the glue. Know you got the glue. Come broke off your back, broke off your back, broke off your, broke off your, broke off your back, girl. Oh, you are ramp with on a game. Anytime you're ready, girl. Let me name. The place get wet like in a rain. Then I make you feel high like on a plane. She say I saw the love, the act. Baseline sweet and I touch his back. Dancing, she love to that, girl. Coach the chat, come wine till you broke off your back, broke off your back, broke off your, broke off your, broke off your back, if you broke off your back, broke off your back, broke off your, broke off your, broke off your back. Girl, you know you got the glue, know you got the glue, know you got the glue. Come broke off your back, broke off your back, broke off your, broke off your, broke off your back, girl. Girl, your body hotter than a suntan. You make me turn up at attention. You pretty like the melody singing the song. But if a girl a take woman in a one night, then we know she's a hoe. If she a clean up the whole of the neighborhood, then we know she's a hoe. If she a walk and a sell from hotel to hotel, we know she's a hoe. If she a walk nice and take everybody, my man. Nick. Some little boy love walk and chuck it. I walk wrong, big heavy chopstick. Go in the shoot out and run left it. Just be causing, get panic. Nick. A gal get sick. Right away she just kick it. Yeah, see them bitches come out those guys. I'm answering up for them a party. We no want them around. And the punk they too fake, man, have to put them down. Big up DJ Sun, big bad news. Cause when me take it, they play. Burn man, I figure burn them. Now for them, I look at them, they see the church. They accommodate the family. Done man, I figure burn them. Tell them, send them work. Straight to dirty like this. It's sick, cause when me take it, they play. Burn man, I figure burn them. Now for them, I look at them, they see the church. They accommodate the family. Done man, I figure burn them. Tell them, send them work. Straight to dirty like this. It's sick, come on. Back up, back up. Dirty cup of mess up. Any punk, I disrespect them. Gonna feel them head buzz up on. Cut up, gonna feel some shots. Brush up on them nose. I shot up, I get them all. Please, mess up with them. My crew. But them can't, this the eyes. And them a bad man and the whole of them red eyes. Some punk, why die? If not them office, I'm a great test guy. Son of a dog, bad man, why? From them a party, not teaching man. Who gives me fire, make me burn. What I see, really doing that. Enough of them a freak, them a carry out them dirty egg. Talk, wanna be, enough of them a lick it back. If them bring it away, pull them up, push. Rise up every colleague, come for rat. Every teaching man, them a fake, get flat. Me and me, I can make a pack. Teaching man, then that's a fact. Them a bar in a teaching man. Who go fool if he push your love further? See they know him run up into the eagle desert, yeah. I will tell you for this man in them zone. And can't defend your own, head back left alone. As for me know you're a bad man, you a smell bad cologne. When you sight bad, miss business, leave it alone. Man, I no cave, man, we're wheelers and flintstone. And we have the key for the city like the great Al Capone. Prep the boy, but prep on sight me, hang away crow, man. Splurge! Go home, I said them a shot a hand, them we never heard of. Them nowadays get a youth a witch a team murder. Oh, who go fool if he push your luck further? See they know him run up into the eagle desert, yeah. Say them a shot a never yet shot a bird, yeah. You lucky man a hold it bait like a shepherd, yeah. Who go fool if he push your luck further? See they know him run up into the eagle desert, yeah. Empty barrel make the most nice I could have who them. Say that them a shot a hand a bag a man a do them. Them funny, so me send me for reference. So we don't know about you, but I will love the girl them. Naturally sick as me now, they try to love the girl them. Girl in a crew, likewise the quiet one them. True of me, get from Nicky them, Nicky them. We don't know about you, but I will love the girl them. Naturally sick as me now, they try to love the girl them. Girl in a crew, likewise the quiet one them. True of me, get from Nicky them, Nicky them. That girl look good, me go one put school. In a the fire, me go put the dark in a the fold too. So me walk Amanda good, she get it misunderstood. Tell her friends, me tell me that, and she never tell her. Chat them a, chat them a, chat them a, chat them a, chat them a, chat them a, chat them a, chat them a, chat them a, chat them a, chat them a, chat them a, chat them a, chat them a, chat them a, chat them a, chat them a, chat them a, chat them a, chat them a, chat them a, chat them a, chat them a, chat them a, chat them a, chat them a, chat them a, chat them a, chat them a, chat them a, chat them a, chat them a, chat them a, chat them a, chat them a, chat them a, chat them a, chat them a, chat them a, chat them a, chat them a, chat them a, chat them a, chat them a, chat them a, chat them a, chat them a, chat them a, chat them a, chat them a, chat them a, chat them a, chat them a, chat them a, chat them a, chat them a, chat them a, chat them a, chat them a, chat them a, chat them a, chat them a, chat them a, chat them a, chat them a, chat them a, chat them a, chat them a, chat them a, chat them a, chat them a, chat them a, chat them a, chat them a, chat them a, chat them a chat and I run up them out. Chat them a chat but they can't get me out. Chat them a chat and I run up them out. Chat them a chat the one that name alright. Watching them me done them, watching them me bun them. Done them from near and far alright. Watching them me done them, watching them me bun them. Me no care who them are alright. Watching them me done them, watching them me bun them. Bun them from near and far alright. Watching them me done them, watching them me bun them. Have a new style where them call it Full and Jet. When we say this style name again now Full and Jet. Everything we do we a give them Full and Jet. Give them Full and Jet. Give them Full and Jet. Well if I'm a villain now we a give them Full and Jet. Bienvenue dans Génération 97, la radio libre, sur le mix, mais également sur le talk et le délire. On est en plein canular. S'il y a un sujet, un débat d'actualité que vous voulez déclencher, vous débarquez au 0820 203 200. Il y a des cadeaux aussi à gagner, il y a toute l'équipe qui est là. Gogo, yo, Sabri, la petite nouvelle, la petite dernière, Maë, coucou, Lilou, la presque confirmée, c'est moi, et Nessie, la sédentarisée. Sans oublier Kéchi aussi. Tu l'as déçu. Tu me déranges. Mais toi aussi tu me déranges. Sauf comment. Ça va l'essaye. Boulot. Génération 9. Génération 9. 0820 203 200. Le soir. Appel. Salut. Et balance sur Trace FM. Alors, avant toute chose, nous allons dire des bonsoirs à Laurie. À Little Mum, Krakinette, Loulouche, Célia et tout et tout. Bonjour. Il y a... Ouais, il y a aussi Barrett. Barrett qui est là. Barrett. Ça... Barrett. Barrett. Barrett. Barrett ou Barrett. Parce ah que oui, moi, Barrett. Je préfère le prononcer Barrett. Barrett. Ça fait plus international. Bah ouais, tu sais, t'as l'impression d'être en plein épisode de je ne sais pas quoi, de Esprit Criminel, tu sais. Genre, on a le profil enfant du psychopathe. Oh, merci agent Barrett. Non, en plus, Hawaii 5-0. 5.0, je crois. Ouais. 5.1, non? Mais non, 5-0. 5.0. Ouais, mais on dit Hawaii 5-0. Tu dis Hawaii 5-0, toi? Bah ouais. Donc 0, 0, 0, 0, 0. Ouais. Hashtag G97, hashtag Trace FM. On va faire un petit bonsoir également à Obligé, à Piano, sans oublier Whedon. Et Audrey qui est là aussi. Whedon aussi, pareil. Barrett, Whedon, tout ça, on a l'impression que c'est des agents du FBI. Les mecs, ils ont des prénoms ou des pseudos. Incroyable, tu sais. Whedon, est-ce que vous pouvez me prendre le dossier circulaire 253 qui nous permet de remonter sur l'affaire qui avait lieu sur la 53e? Pas de problème, agent Barrett. Bref, on est avec Robbie. Robbie est aux États-Unis d'Ajou Pabouillon. Robbie piège un de ses meilleurs potes, visiblement originaire de la commune et puis vivant dans la commune d'à côté. Ce soir, on n'avait pas prévu ça, mais le mec, il est à Ajou Pa. Le mec, il est dans la même commune que toi. On pensait qu'il était chez lui, on pensait le ramener en fait à Ajou Pa, mais on se rend compte qu'il y est déjà. Alors déjà, première question. Ouais. Déjà. Ouais, non, mais tu m'entends ou pas, Robbie? Robbie? Robbie? Oui, oui, oui. Robbie? Robbie? Robbie, tu es là? Oui, je suis là, je suis là. Ok. On pensait être obligé de ramener ton pote dans la commune. Sauf qu'il y est déjà. Alors, moi, j'ai une première question qui est un petit peu délicate. Je voudrais savoir quel effet ça fait de dans la commune, qu'il ne t'a pas contacté. Et il n'y a pas de problème, il est libre de faire ce qu'il veut quand il veut, pas de problème. Oui, pas de problème. D'accord, ok, donc il n'y a pas de souci. On est juste en train de faire un test de fidélité de votre amitié, quoi. Oui, oui. Ok. Tu fais mal à son petit cœur. Ouais, non, on va éviter. Coupe le haut-parleur, Robbie, s'il te plaît. Tu coupes le haut-parleur, pas de kit main libre. Parce que tu sais, les gens en plus sont méchants. Appelés de Ajou Pa Bouillon, ils vont dire ouais, c'est la commune, le réseau passe pas là-bas, machin, etc. Allô. Allô. Allô, allô. En fait, ce qu'il y a de rigolo, en fait, c'est quand on a un mec d'Ajou Pa ou de Basse Pointe ce soir, il y a forcément 5 personnes à côté de lui, et en fait, ils viennent tous parce qu'ils t'ont entendu à la radio, en fait, c'est ça. Tu peux pas te concentrer sur nous, c'est ça le problème. Ouais, tu es avec les frères quoi? Oui, oui, oui. Ok, eh ben tu abandonnes tes frères deux petites secondes. Est-ce qu'il est là ton pote? Il est sur la place ou pas? Parce que j'ai l'impression que t'as été sur la place. Il est sur la place, il est sur la place. D'accord, ok. Est-ce que tu peux te déplacer? Est-ce que tu peux rentrer chez toi? Tu peux rentrer chez toi rapidement là, fiap fiap? Non mais je vais pas dire la place, je vais faire du chemin là, l'extérieur. Oui mais mec, tu ne sers pas le canular, tu nous sers à rien si tu restes sur la place. Parce qu'il va forcément venir te parler. Ouais, ça fait partie du scénario. Il est parti. Il est parti? Oui. Ah oui, il est parti récupérer son plat, il a dit ça tout à l'heure. Ouais, je crois. Un truc comme ça. Ok. Il a demandé pour une fille ou pas? Non. Je trouve ça bizarre en même temps. Tu lui as parlé? Non. Je trouve ça bizarre en même temps parce que Lilou lui a quand même précisé qu'elle te connaissait et que c'était grâce à toi qu'elle avait eu son numéro de téléphone. Logiquement, toute personne normalement constituée, pour essayer d'avoir des informations, se tourne vers la personne qui a donné la première le numéro de téléphone, quoi. Il me semble. Bon, écoute, ça m'a l'air un peu compliqué. Sabri, je peux avoir ton aide, s'il te plaît? Je sais pas. En fait, on appelle son pote, on s'en fout. Ouais, allez, on va gérer notre life, on va faire comme on peut. On a décidé de faire un truc pas très compliqué pour le reste du monde, mais très compliqué ce soir, parce que Roby est pas concentré. Du coup, là, ton pote, il est plus sur la place. Il est là. D'accord, ok. Bon, on compose son numéro de téléphone. Attendez. Il revient. Putain, c'est rapide, hein, basse pointe. Il a fait le tour du bourg. Hein. Il cherche la nana, je suis sûr qu'il cherche la nana. Il est à pied ou il est en moto? Non, il est en voiture. En voiture? Ah ouais? Oui, mais vous avez pas de problème de d'embouteillage. Non. Dis pas ça. Oui, parce que le boulanger a garé sa voiture dans le. Parce que personne ne passe jamais par là. Un jour, les gens ont décidé de passer par là. Il y a quatre voitures, ça y est, il y a un embouteillage. Mais. Au pire, un bananier dans la route. Ah non, là par contre, non. Je ne cautionne pas. Ça fait belle lurette que les bananiers, c'est réservé à d'autres communes. On y va. C'est parti, on appelle ton pote. Je sais pas pour faire quoi, mais on appelle ton pote. On y va. Est-ce qu'il y a du monde sur le web qui comprend la difficulté de la situation? Est-ce qu'il y a des gens qui font une double lecture du canular? Allô? Attends. Oui. Oui, je suis passé sur la place, tu n'étais pas là. Je n'ai pas vu ton engin. Quoi? Je t'ai dit, je suis venu sur la place, tu n'étais pas là, je n'ai pas vu ton engin. Tu es où? On devait te retrouver sur la place. Attends, mais je savais faire tout là, je retourne. À quelle heure tu arrives? Mais dans un petit moment. Dans un petit moment, mais tu as ce qu'il faut sur toi? Quoi? Est-ce que tu as ce qu'il faut sur toi? Est-ce que tu as ce qu'il faut sur toi? Est-ce que tu as des préservatifs? Ah non, pourquoi? Mais il va falloir aller en chercher alors. Ah bon? Quoi? D'abord revu. Mais si, je t'ai déjà vu. Ah bon ça? Mais je t'ai vu à la pizzeria ce week-end. Mais je t'ai déjà dit ça, que je t'avais vu ce week-end et que j'avais demandé du coup à Roby ton numéro. Bon, j'arrive. On va voir les termes. Est-ce que tu peux passer chez Katie à la boutique pour récupérer des préservatifs? Ouais. Eh ben, s'il y a pas là-bas, il va falloir que tu ailles à la station. Quoi? Et s'il n'y a pas chez Katie, il faut que tu récupères ça à la station. Mais si tu viens sans préservatif, c'est pas la peine, hein. Ouais, j'ai pas entendu ça. Je suis sérieuse, hein. Je fais rien sans préservatif. Ouais, ok. Donc dans 10 minutes, c'est bon? Oui. Ok, à de suite alors. Il y a deux solutions. Il a l'air blasé, le gars. Non, il y a deux solutions. Soyez très impressionné. Si, non, parce qu'en fait, c'est le style quand même. Hein. Tu perçois ça quand même, qu'il y a du style. En fait, le mec a été décontenancé. Il a été déstabilisé à un moment très précis dans le canular. À un moment où elle a commencé à changer de ton, à être un petit peu autoritaire. Et le mec s'est dit, c'est peut-être un sacré modèle qui va me tomber dessus. Est-ce que je suis prêt à ça? Donc déjà, il se pose plein de questions. Le coup du préservatif, c'est vachement intrusif. C'est-à-dire qu'elle y va, genre,

Vous devez vous faire recenser impérativement dans les 3 mois qui suivent votre 16e anniversaire à la mairie de votre domicile ou par internet sur service-public.fr. Le recensement permet votre convocation à la JDC, indispensable pour passer examen, concours et permis de conduire. Contactez le centre du service national de Martinique au 0596 39 58 80. Nous sommes obligés d'interrompre nos émissions pour vous faire part de la situation de l'univers du pneu. En ce moment, et jusqu'au 21 novembre en effet, nous avons constaté que les prix les plus bas sont pratiqués sur la gamme Michelin, Toyo et Budget. De plus, le montage, l'équilibrage et la valve sont gratuits et les gens partent avec les pneus épais à 90 jours en janvier 2017. Donc récapitulons, des prix très bas, plus bas que la promo sur Michelin, Toyo et Budget, le montage est gratuit, l'équilibrage est gratuit, la valve est gratuite et on paie à 90 jours. Eh bien, plus de temps à perdre, hein. Faut y aller tout de suite. Pour connaître le centre le plus proche de chez vous, appelez le 0-596-50-55-57. Le festival Caribzik revient en mars à bord du MSC Poesia avec Trace. En concert, Wayne Wonder, Tania Stephens, Alison Hines, Paille, Missier Sadik et beaucoup d'autres. Caribzik, clubbing, beach and pool parties, stand-up comedy, sport. 7 îles différentes pendant 7 jours. Séjour au départ de Martinique et Guadeloupe à partir de 699 € par personne. Payable en plusieurs fois. Attention, quantité de cabines très limitée. Tarifs et conditions sur les pages Facebook Caribzik et nayaradouvoyage.com. Caribzik 2017. Quitte-moi là-bas. Avec Trace. Grande liquidation! Grande liquidation avant travaux chez Santa Fe, centre commercial Océanis. Moins 50% sur les plus grandes marques. Tout doit disparaître. Ne ratez pas cet événement. Jusqu'à moins 70% à partir du 17 octobre. La grande liquidation, c'est en ce moment et jusqu'au 29 octobre chez Santa Fe au centre commercial Océanis au Robert. Autorisation numéro 2016-854. La voisine a changé, hein. En plus, elle rentre tous les soirs à 19h. Mais comment? Tu ne sais pas que Fitness Park Océanis au Robert est ouvert 7 jours sur 7 de 6h à 23h. On peut accéder à ces espaces de musculation, de cardio. Et d'ailleurs, il ne faut pas oublier les fameux cours collectifs de fitness des Smiths, de la Zumba et de TRX avec des coachs certifiés. Voilà ce qu'elle fait, petit curieux. Tu devrais aussi t'y mettre, histoire que Monsieur en profite un peu, hein. Fitness Park, le sport pour tous, exclusivement le samedi 15 octobre de 8h à 19h30. Venez tous profiter de l'essai gratuit et des moins 50% sur les cours collectifs à Fitness Park Océanis, le Robert. Infoline 0696 377 663. World Creole Music Festival revient avec Trace et Martinique Première. La culture caribéenne vous donne rendez-vous du 28 au 30 octobre pour la 19e édition du Festival de la Dominique avec Econ, Popcorn, Wyclef, Ophelia Chabanton, Morgan Heritage, Michael Anderson, Midnight Groovers, Crayola et le grand méchant Zouk. Au total, plus d'une vingtaine d'artistes. World Creole Music Festival. Du 28 au 30 octobre 2016. Un événement Martinique Première et Trace. En partenariat avec le ministère du Tourisme de la Dominique. Info sur www.wcnfdominica.com et sur www.discoverdominica.com. T'en as une de pièces. Appelle-nous au 0820 203 200 pour l'avant-première événement de la pièce. Je vais un drame, je vais pas pleurer des rivières et me noyer dans mes larmes. Aujourd'hui j'ai tout, et si demain j'ai rien, avec le temps on s'y fait. La vie m'a appris à rester coude à coude. Linda fixe ton but, y arrivera coûte que coûte. Tu prendras des coups bas, y aura des épreuves sur ta route. Avec le temps on s'y fait. Parfois je suis dépassée, je perds mon temps. Je couche toute la journée assis sur un banc. Et je me demande si j'étais mieux avant. Des fois je regrette mon innocence. J'ai peur de ne plus revivre tous ces bons moments. Je sais pertinemment qu'il faut aller de l'avant. Ne pas se retourner mais affronter le présent. Et peu importe. importe les situations. Je vais pas changer le monde avec ma musique, ça ne serait qu'à l'heure. J'ai pas la solution, autant prétendre éteindre le feu par feu. Je me sens insignifiante, si différente. Je suis dépassée, je perds mon temps, je tourne en rond, je suis sur le banc. J'ai compris, j'ai dû faire des sacrifices. Je préfère rien avoir qu'avoir tout leur artifice. Aujourd'hui tu brilles, demain t'oublies. Avec le temps on s'y fait. T'as beau te plaindre, t'as beau dire que la vie est moche, quand tu perds un proche et que tu n'as rien dans les poches, ton voisin roule un Porsche, toi toute l'année dans les coches. Avec le temps on s'y fait. Parfois je suis dépassée, je perds mon temps. Je cogite toute la journée assise sur un banc, et je me demande si j'étais mieux avant. Des fois je regrette mon innocence. J'ai peur de ne plus revivre tous ces bons moments. Je sais pertinemment qu'il faut aller de l'avant, ne pas se retourner mais affronter le présent. Et peu importe les situations, je vais pas changer le monde avec ma musique, ça ne serait qu'à l'heure. J'ai pas la solution, autant prétendre éteindre le feu par feu. Je me sens insignifiante, si différente. Je suis dépassée, je perds mon temps, je tourne en rond, je suis sur le banc. Avec le temps je sais. On s'y fait, on s'y fait, on s'y fait, on s'y fait. On s'y fait, on s'y fait, on s'y fait. On s'y fait, avec le temps on s'y fait. Les poches vidées on s'y fait, avec une pièce on s'y fait. Les gens partis on s'y fait, avec le temps on s'y fait. Les poches vidées on s'y fait, avec une pièce on s'y fait. Je vais pas changer le monde avec ma musique, ça ne serait qu'à l'heure. J'ai pas la solution, autant prétendre. Insignifiante, si différente. Je suis dépassé, je perds mon temps, je tourne en rond, je suis sur le banc. Avec le temps je sais. On s'y fait, on s'y fait. Un extrait de la bande originale du film La Pièce. Le Ouattibé vous invite à son avant-première, c'est le 12 octobre prochain, que ce soit en Martinique, en Guadeloupe ou en Guyane. Des places à gagner dès que t'entends retentir le signal 0820 203 200 pour gagner des cadeaux. À l'aise, y aller avec la personne de ton choix. Trace FM. Génération 97. Le soir, y a pas de limite. Y a pas de limite. 0820-203-200, Mada, Guada, Yana, vous n'avez plus le choix. Que ce soit du côté de la Martinique, de la Guadeloupe ou de la Guyane, on a en plus, grâce à votre ticket de cinéma qu'on vous offre, la possibilité d'être tiré au sort le jour de l'avant-première dans la salle. Tirage au sort pour gagner des goodies high-tech. 0820-203-200 pour débarquer en direct. D'ici là, on est en mode un peu canular. Je dis bien un peu parce que je suis pas encore totalement convaincu. On s'ennuie pas, on rigole. Mais pour tout sauf le canular pour l'instant. On est avec Roby. Roby a décidé de piéger en fait son meilleur pote. Son meilleur pote est de la commune d'à côté, sauf que ben on s'en rend compte, il est dans la même commune ce soir. Ils sont d'ailleurs tous les deux à un bout et l'autre de la place. Ça se passe du côté d'Ajoupa Bouillon. Et puis on a une Lilou qui est un peu entreprenante, qui genre est rentrée mais un peu rough. Rough sur le meilleur ami de Roby. Elle lui a demandé de se procurer absolument un préservatif. Le mec ne l'a jamais vu, il a quand même dit oui, ok, je vais essayer de voir. Alors là, on va le rappeler et tu vas lui demander de ramener deux préservatifs et tu vas lui expliquer pourquoi. On recompose le numéro de téléphone, on n'arrête pas de lui mettre la pression depuis tout à l'heure. Ça ressemble à un cocoteur, sauf que c'est une vraie fille là. Toujours là, Roby? Tu m'entends? Oui, oui. Roby. Yes. Ok. On recompose le numéro de téléphone de ton pote. Ok. Il est toujours sur la place avec toi? Non, il n'est pas encore arrivé. Mais il a dû aller chercher vraiment une capote. Hein. Franchement, c'est dur. Hein. Les temps sont durs du côté du Nord. Là, c'est compliqué hein, apparemment. Hein. Moi, je pense quand même qu'un homme devrait toujours avoir un préservatif sur lui quand même. Hein. Non, mais on a toujours ça. Mais au bout d'un moment, c'est périmé. Là, c'est sûr, il est arrivé à Basse Pointe. La géolocalisation grâce à la non-couverture du réseau, tu sais. La station la plus proche. Ça sonne. comment il conduit? Comment? Mais je pense qu'il est plutôt à la caisse. Après avoir les... Des messages sur le web. Ouais, on a Célia qui dit, si jamais il trouve pas de préservatif, il va prendre un sachet, quand même. Un morceau de gant. Les gens sont méchants, sont communs. Allez, réessaye le numéro de téléphone cash. On recompose. Sinon, c'est le destin qui aura choisi hein, ce soir, Roby. Hein. Faut pas nous en vouloir, hein. On fait de notre mieux. Oh, non. On dirait un appel étranger. À l'étranger. Votre correspondant n'est pas joué. Dernier essai. Une dernière fois, on propose le numéro de téléphone. On a Ultima Beth. Wow. Oui, parce que je rêve cette émission internationale. Ah, tu parles espagnol. Apparemment pas toi. Apparamente. Votre correspondant n'est pas joignable pour le... C'est mort, Roby. C'est mort. Il est toujours pas revenu sur la place. On lui laisse un petit temps. Tu nous fais signe quand il revient. Ok. Il a peur. Hein. Tu nous fais signe quand il revient. Ok, Frangin. À tout à l'heure. Ok. On est là. On est connecté. Il y a pas de problème. Ok. À tout à l'heure. 0820-203-200 également sur le net, www.trace.fm. Voici le breaking news. On parle de quoi? De Rihanna. Elle a un nouveau look, j'aime beaucoup. Elle a des dreadlocks maintenant. Ah non, super longue. Ah non, ça lui va bien. T'sais, franchement, tout lui va. Moi, je dirais un balai serpillère. Je me rappelle surtout d'une Nessie, Sabri. Je me rappelle surtout d'une Nessie qui à l'époque, tu sais, disait tout de toute façon sur moi est vrai. Jamais je n'achèterai des faux cheveux. Il suffit que Rihanna achète des fausses dreadlocks. Elle se dit waouh. J'ai fait ça avant elle. C'est toi qui as inspiré Rihanna. Mais oui. Quoi d'autre dans les breaking news? On va parler de la Martinique, le French Coco. C'est le premier hôtel des Antilles françaises qui rejoint en fait les Small Luxury Hotels. Alors je ne sais pas si vous savez ce que c'est. C'est un gros réseau hôtelier qui compte 520 adresses haut de gamme dans le monde et c'est réparti sur 80 pays. Donc ça montre à quel point cet hôtel... C'est combien la chambre? Ah, je pense que c'est plus de 400 euros. Ouais, et tu t'es pas renseigné en fait. Oui, et je me suis renseigné parce que je sais que c'est un hôtel de qualité, de haut standing. Mais j'ai pas les prix. De haut standing. Je suis renseigné. Tu as fait ton devoir, Jordan. Oui, monsieur. Mais montre-moi ton Jordan. Je l'ai oublié à la maison. N'importe quoi, lui. Eh ben, écoute, tu vas le chercher à la maison. Le chien l'a mangé. Le chien l'a mangé aussi, ça marche comme truc. Ouais, tiens, balancez-nous les plus grosses baboules, tu sais. Les plus grosses baboules. Toi aussi, hashtag baboule. Ça peut pas marcher, ça. 0820-203-200. Quoi d'autre dans les breaking news? Ouais, on part au Brésil avec une Miss Noire qui a été élue. Et apparemment, c'est la première fois en 30 ans. Alors que, quand je la regarde, je trouve pas qu'elle fasse noire. C'est vrai, je trouve qu'elle est très... La vieille polémique, elle, tu sais, la petite chabine là, qui a toujours quelque chose à rajouter. Ouais, elle est pas si noire que ça. Mais elle est pas noire du tout. Mais elle est métisse, elle est pas blanche non plus, quoi. Oui, mais justement, c'est qu'ils sont loin du compte alors. Ouais. Ça veut dire qu'en 30 ans, ils disent que c'est la première noire, alors qu'elle est métisse. Ouais. Mais est-ce qu'ils ont élu des blanches? Bah, que ça, pratiquement. Ah non, elles sont peut-être métisses aussi. Ouais, bah elle, je trouve qu'elle elle fait métisse. Elle est pas assez foncée. Je comprends pas, moi, ce genre de polémique, en fait. Je comprends pas. Oui, mais Métis, pour moi, à un moment ou à un autre, en fait, je sais même pas si c'est une question... Enfin, si... on a tellement besoin de catégoriser, en fait, les gens. La nana, genre, pourquoi tu dis qu'elle est pas noire? À un moment ou à un autre, en fait, c'est pas compliqué. T'as déjà pris un verre de lait, t'as déjà mis un peu d'encre noire dedans. À partir du moment où tu mets de l'encre noire dans un verre de lait, le verre de lait n'est plus blanc. Mais non, mais tu n'as pas compris mon propos. Tu peux faire même comparaison avec du chocolat. Bah, par exemple. Mais regarde, dans les médias, ils disent que c'est la première. Et alors? La première noire en 30 ans. Mais alors, elle est peut-être au final, et à un moment ou à un autre, elle est peut-être plus noire que blanche. Et c'est aussi peut-être une révolution dans ce pays qui arrive peut-être tard. Ils sont pas encore prêts pour une Morgan Edwidge, alors. par exemple, peut-être, je sais pas, mais après, moi, je vois tellement de nanas, en fait, qui fait 50 nuances de gris, donc 50 nuances de gris traduit en français. Mm-hmm. Par contre, franchement, je vois des quantités de nanas toujours en train de parler de 50 nuances de noir, quoi. C'est incroyable, la nana, elle est noire. Mais c'était pas le propos, hein. Non. Mais si. C'est que je me dis, alors, quand j'ai vu le titre, j'ai dit, bon, je vais voir une black. Et je vois une petite métisse, j'ai dit, mais c'est pas elle, c'était peut-être celle de la Elle est quand même black, oui ou non? Oui ou non? Oui ou non? Ça veut dire que vous tu fais. Une... qu'elle est black. Donc ça veut dire elle que tu fais une distinction, en fait. Non, alors Sabri, toi qui l'as. C'est vrai, moi qui ai vu la photo, elle est pas noire. Oui. On s'est déjà pris la tête à propos de ça, mais si toi tu es toujours en train de dire, oh, Moselle n'est pas métisse ou. Moselle n'est pas métisse ou. Et puis là, comme par hasard, celle-là, il faut qu'elle soit métisse. Non! C'est quoi ton truc? Non, mais. Il aurait fallu qu'elle soit vraiment black. La fille est noire ou elle finalement. Dit qu'elle est métisse. Mais est-ce que c'est la première en 30 ans? C'est la première en 30 ans. Alors je me demande comment étaient les autres. Mais c'est une évolution, je sais pas moi. Mais au Brésil, le pays du métissage. Non mais Nessie, j'ai l'impression que tu es comme toutes ces personnes qui alimentent les réseaux, les polémiques en disant ah, Miss Beauté Noire, elle est pas assez noire. Ah, Miss Martinique, elle est pas assez Martinique. Son grand-père était un blanc de je ne sais où de Normandie. Ah, telle Miss Guadeloupe. Non, c'est pas Miss Guadeloupe, c'est Miss Les Saintes. Ah non, mais non, c'est pas... C'est le contraire. On n'est pas prêt pour une Miss Blanche. Je le dis. Peut-être. On n'est pas prêt du tout. Et je suis pas sûr en même temps. Peut-être que c'est les Blanches qui sont pas prêtes à être Miss. Je sais pas. Moi, je trouve ça dommage. Parce qu'aujourd'hui, à une heure où le métissage est partout, je trouve que c'est dommage d'essayer... Je trouve ça compliqué, ce que les gens demandent. Les gens demandent que les personnes soient représentatives d'un pays. Tu sais, moi, une fois, j'ai discuté avec une nana qui s'appelle Cécile, qu'on a reçue vendredi dernier, d'ailleurs, dans le studio. Un jour, je lui demandais, en fait, mais en Jamaïque, les gens sont comment? Elle me dit, mais toi, tout comme Sean Paul, tout comme Béret Samonde, tout comme Shaggy, ce sont des Jamaïcains. Ils sont pas là en train de se dire un tel est plus noir ou machin, etc. C'est une question d'identité. À un moment ou à un autre, que tu prennes Miss Guyane, par exemple, où il y a encore plus de métissage. Alors, du coup, on se retrouve dans des espèces de catégories à faire Miss Indienne, Miss India, pardon, Miss Beauté Noire. Et même sur la Miss India, il y avait eu des polémiques. Et il y avait des polémiques. Elle est métissée. Ouais, elle est métissée, elle est pas suffisamment indienne. Bon, en revanche, Miss India doit être indienne. Désolé. Pourquoi? Non. Ou alors avoir des origines indiennes. Elle avait des origines indiennes, d'accord. Sauf que ça suffisait pas aux c'est gens. C'est bon, mais il faut pas qu'elle soit. Alors, à partir de combien de pourcents tu peux poser? Et je t'en reprends la question. Concrètement, la Miss qui a été élue, là, au Brésil. Elle est noire ou elle est pas noire? Elle est très belle. Elle est noire ou elle est pas noire? Elle a des origines ou pas? Un de ses parents est noir et ça provoque le métissage. Si on fait une poupée à son effigie, c'est une poupée noire ou une poupée blanche? C'est une poupée métisse. T'es fatigante, Nessie. Non, t'es mais c'est par rapport au titre. Elle est fatigante, hein. Non. Regarde, on a Monsieur Doliprane là, juste là, Hugo. Monsieur Doliprane. Oui. Tu es Monsieur Aspirine, toi. Non, donc, non, justement c'est pas. La même famille, les moi, gars. Je suis Fairvex. J'ai des petites paillettes oranges. Mais bon, je m'en fous. À la limite, tu peux me prendre pour un blanc, tu peux me prendre pour un métis, tu peux me prendre pour un mulâtre, tu peux me prendre pour ce que tu veux. Je m'en bats les couilles. Non, arrête de conner. Je m'en bats les couilles. Et je trouve qu'en fait, les gens cherchent trop des espèces de différences, de nuances, de polémiques. Et j'ai l'impression que les gens sont tout le temps à la recherche, en fait, de quelque chose à redire non, sur le c'est truc. C'est par quoi. Rapport au titre du journal. Ouais, c'est ça, c'est l'article en fait qui l'a ouais, alors, c'est ça. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que jusque là, la Miss Brésil, elle était comment? Elle était un peu basanée. À quoi ressemble une Brésilienne pour toi? Pour moi, ben elle peut être comme une anti-guyanaise. C'est-à-dire? Elle peut être autant le résultat que chinoise de plusieurs mélanges. Oui. On est d'accord. Mais par rapport au titre, ils avaient l'air de dire que c'était exceptionnel depuis 30 ans. Il n'y avait pas eu de Miss Noire et il y en a une maintenant. Alors moi je me suis dit, je vais voir une Miss Noire. Mais c'est la première pour eux. C'est la première pour eux. C'est la première. Je en fait, ils auraient peut-être dû dire, on n'a jamais eu quelqu'un d'aussi foncé. Voilà, c'est ça. C'est à la Black M. À la Black M. Je suis foncé. Ils vont dire, j'ai de l'huile. Célia est d'accord avec toi en tout cas. Tu veux quoi? Célia est d'accord avec. Avec qui elle est d'accord? Avec Nessie. Tu as raison, ouais, Nessie. Les gars, vous êtes fatigants, les gars. Ouais. Donc voilà, on va faire une réclamation auprès de l'éditorial pour leur dire, corrigez votre article parce qu'elle n'est pas noire, c'est juste qu'elle est plus foncée que les autres. Les gars, vous chipotez dans un pays. Et jusque là, en fait, moi, je trouve que le monde est en train d'évoluer. Il évolue peut-être pas assez vite. Ok, yes. Maintenant, je trouve qu'on est loin de ce qu'on reproche. On n'est toujours pas arrivé à ce qu'on veut vraiment. C'est clair, ok? Maintenant, aujourd'hui, une Morgane Edwige, elle est magnifique en Miss Martinique. Une Chloé D.R., elle est magnifique en Miss Guadeloupe. Je suis désolé, ok, à un moment ou à un autre, vous êtes toujours comme ça, on dirait des haters en train d'attendre. Mais tu as compris ce que j'ai dit ou pas? Non, mais Nessie, n'empêche que tu es en train de faire une distinction. La nana, elle est noire, ok? Elle est peut-être pas assez noire pour toi, n'empêche qu'elle est noire. Mais j'ai pas dit qu'elle elle est un mélange de noir et de blanc. Il y a du noir dedans. Tu n'as pas compris? Je me dis que les Brésiliens, pour moi, le Brésil, c'est le pays du métissage. Eh ben, tu as tort, parce que le Brésil, c'est des gens noirs, plus ou moins noirs, oui, avec des blancs, et à un moment ou à un autre, c'est exactement ce que disait Cécile, Sean Paul est jamaïcain, Conscience aussi. Tu vois, il y a un moment, il n'y a pas assez essayé de voir quelle est la nuance de noir qui correspond. Non, mais c'est par rapport à eux, parce que même en Afrique du Sud, il y a eu plein de Miss. Alors, noires. Tu parles d'un autre pays. Tu parles d'un autre pays, tu parles de l'Afrique du Sud, ben où il y a encore des séquelles d'apartheid. Ben justement, mais on est en train de parler du Brésil. Brésil, il y a métissage, en Afrique du Sud, il n'y a pas beaucoup de métissage. Oui, et pourtant, il y a eu des Miss noires. Ben parce que c'est plus facile, il y a même eu un président noir. Et c'est la majorité aussi de la population, voilà, donc, à un moment pourquoi, ou un autre. Pourquoi au Brésil, en 30 ans, pour eux, c'est comme une prouesse, quoi. Mais les meufs, elles sortent des favelas. Tu penses qu'elles ont pas autre chose à foutre que d'aller se présenter à une élection de Miss, justement, Miss Brésil? Ça leur permet d'en sortir. Déjà, les mecs, ils sont obligés de faire un tri entre les Miss Brésil qui étaient pas Miss à la naissance. Qui étaient des Mister. C'est une industrie! C'est une industrie! D'accord. Nessie, franchement, honnêtement, faut pas chipoter sur ce genre de détails. Je comprends, effectivement, peut-être que les choses bougent pas assez vite pour toi. Mais à un moment ou à un autre, comment aujourd'hui tu peux dire qui est cubain ou qui ne l'est pas? Qui est cubaine ou qui ne l'est pas? Est-ce que tu sais à quoi ressemble le métissage cubain? Ben, quoi, ils sont comme nous, hein? Ils sont comme nous. Non, tu t'en fais une idée. Sauf qu'à un moment ou à un autre, à Cuba, il y a des noirs et il y a des blancs. Je suis allé à Cuba, ils sont comme nous. Non, ils sont comme nous. Ça veut dire quoi, comme nous? Ben, je pourrais passer pour une cubette, tout comme toi, tout comme tout le monde ici. Ben, c'est exactement pareil au Brésil. Mmh. Donc, peut-être que pour eux, jusque-là, ils avaient des nanas plus claires de peau. Et peut-être que eux, ça les choque. Mais nous, ça devrait pas nous choquer. Et c'est là où je veux en venir depuis le départ. La nana, il n'y a pas des questions de nuances. Tu vis au Brésil? Non. Tu votes au Brésil? Non. Alors, qu'est-ce qu'on en a à branler? C'est pas loin de chez nous. Mais les gars, s'ils sont pas encore en paix avec leur multi-ethnicité ou multi-mélange, je sais pas, je pense qu'on devrait pas alimenter cette polémique. Et puis déjà, qui vote? Qui vote? Ah. Si c'est réservé à une certaine élite, machin et tout, ben oui, ben forcément, ça va. Allez, il va encore remettre en question le jury. Le jury, c'est celui qu'on a contacté à qui il a dit oui. Si tu te sens pas assez représenté, c'est quand même là où dit non ou t'es ni tort. Mais moi, je parle aussi du pouvoir d'achat. Peut-être que la population n'a pas le moyen d'envoyer un SMS pour aller voter pour Miss Brésil. Peut-être. Je crois que ça fonctionne comme ça. Peut-être. Je sais pas, je pense. Hashtag chez 97, hashtag Trace FM 0820-203-200. Vous débarquez également sur le web www.trace.fm. On est en mode hey baby hello dans un petit instant. On va se pousser un petit DJ Fly avec Cécile Satit. Ça sera derrière les platines. On revient dans un petit instant également, une poignée de minutes avec du jeu qui se prépare du côté du Sandar. Qu'est-ce que tu nous prépares, mec? Du Seki. Ça sera du Seki. On va donner des indices dans une poignée de secondes. Restez avec nous. À tout de suite dans Génération 97. Mada, Guada, Yana. Trace FM, we so fly. Trace so fly. Podcast style. Yeah. I just a body with me, a body that man I cry for. Trace FM, body that man I cry for. Yeah. Just a body with me, a body that man I cry for. Body with me, ever just a body with me, Trace. Hey, baby. Loving when you whine for me. Tell me what you want, baby. I'm a loving when you hug, baby. Trace, bust a wine for me daily like a bike round the corner. Bum pack a cup, yeah, the right sweet, yeah, maha. If you love the right, me turn it up like a sauna. Trace, hold on for my body and Trace, set it. Broke off my back, yeah, Trace, if you set it. This line of world, no, Trace, set it. Hold on for my body, hold on for my body. Never on me set it, set it, set it. Trace, if you set it, set it, set it. Hold on, set it, set it, set it. Watch how me set it, set it, set it. Why my body may not stiff like soja? Tabletop make the booze take you over. Pan the pole, you not care if you're sober. Lord, oh Lord. Trace love on me wine. Wine. Him love on me wine. Open the pool when me wine. Trace me away like a go. Pull up on my body. Everything of last night. Mais voilà, je me rends le feu, mettre ma sœur. 5 secondes pour trouver un patron. Pas mal de pousser qui whine et basta. En dit où. Chaud patate chaud le mato, chaud la pampa, chaud patate chaud le mato, chaud la pampa, chaud patate chaud le mato, chaud la pampa, chaud patate chaud le mato. Bye Snapchat, bye Snapchat na. Sinon bagaille pour faire, fuck nous fait maintenant. Fais qu'on si pour vivre t'es carré oui net. Pas tout t'es pas quitté pour restant. Zambé, pas gourmet pour pièce femme, pas levé pour la jazz, ça qui tourne Vietnam. Belle garçon veut parfois se lever, mais toujours en mode, oui, les madman, toujours en mode lieutenant. Bye Snapchat, non. Everything nice, everything a plan, non. Si nos bagailles pour faire, fuck nos fame maintenant. Adieu, c'est bye Snapchat, non. Party Queenie, show patate, show le mato, show la pampa, show patate, show le mato, show la pampa, show patate, show le mato, show la pampa, show patate, show le mato. Oh calme, tranquillos. Si t'es pas Walpa, oui tu es ma copinos. Connect son wifi, nous t'a check you à distance. Nous t'a mélangé à nos combats. Moi mes tout calme, t'es musique. Moi mes rap, moi mes soca, moi mes zouk, moi mes trap. Même y'a musique, rien mais à quoi qu'on claque. Bon, mais y'a qui passe pour m'opé montre one track. Tu peux crier dancehall, crier raga. T'as la dangereuse, t'as là c'est pas l'ambada. Et qu'a fait ces femmes en cassé, rien y'a qu'on patra. Et m'a fait passer message en l'air pour parler bas peuple. Bon, mais y'a rien, j'suis pas bas mes grands young style. Nous pas qu'à parler trop. J'ai baigné un drum style. Là j'ai un X-Men ou bien on son lombard. Cet talent c'est pas des comiques à l'American Pie. On n'y pas mais y'a dancehall. Pas mais dancehall. Pas mais dancehall. On n'y pas mais y'a dancehall. Pas mais dancehall. Pas mais dancehall. C'est place là, c'est en laisse à moyer des billets, t'as le bam bam, m'a pas les mettre au mal à l'aise, mais la main qui est tombée tight. Alors pour granger papier, ouais, puis, ouais, c'est basse là. Et ma fait au mal, dit, ça tremble, moi la boussole a tremblé. Démarré chez mes assis, ouais, qu'à tremble. Son deuil et son, c'est ça qui est tombé, il faut se triangle. Mi adios, comme vital, d'un. Il dit, m'a fait d'un bras, puis t'es à fait d'un jam. On dit, c'est Mike, là, pour ça qui batte l'état. La chien strike est sérieux, yeah. Bayou en quelque part. To all over the place to speak up for yourself. Men the man knows that the party won't fetch up up and rock. Chance man a rape on this one. New brand don't come number one. Watch it. And you feel big up, big up. All of the woman them big up, big up. All of the girl them big up, big up. All of the woman them big up, big up. Big up Diesel song, all big bad big up, big up. All of the girl them big up, big up. All of the woman them big up, big up. Oh, take a cup, take any place, stand up. Take a cup, take any place, stand up. Take a cup, take any place, stand up. Take a cup, take any place, stand up. Dans les tympans, tu joues ça en derrière les platines, tu réclames tes sons. 0820 203 200. On revient avec du Hey Baby Allo dans la Trace Radio, c'est now, c'est maintenant sur Trace FM dans Génération 97. Génération 97, bonsoir. Prends la parole. Prends la parole sur Trace FM. Il y a du Seki auparavant, du Seki, du Seki, du Seki, du Seki. On fait le Hey Baby Allo avant ou pas? Dans quel sens? Je sais pas. Alors, donne-moi les indices. Je viens de la Caraïbe. J'ai choisi mon nom d'artiste par rapport à une coiffure. On me connaît depuis 2003. On attend vos propositions. 0820 230 200. Rappelle-moi ça. Je viens de la Caraïbe. J'ai choisi mon nom d'artiste par rapport à une coiffure. On me connaît surtout depuis 2003. On attend vos propositions au standard. Plutôt, vous trouvez, plus gros sont les... Cadeaux. Allez, on attend les premières propositions et on revient avec du Hey Baby Allo juste après ça. L'iPhone 7. Tu le veux? Alors rendez-vous la semaine prochaine sur Trace FM avec le Crédit Agricole et Yop Never Stop. Digicel prolonge ses offres de rentrée jusqu'au 16 octobre. Profitez-en. Tous les forfaits Digicel sont à moitié prix pendant 2 mois. Un forfait Air Absolu 500 mégas à 19,95€. Ça vous tente? En plus, le nouvel Alcatel Idol 4 avec son casque de réalité virtuelle est à 39€ et le Samsung Galaxy J5 édition 2016 est offert. Vivons l'extraordinaire. Digicel. Offre sans mobile valable jusqu'au 16 octobre 2016. Remise appliquée sur le montant des 2 premiers mois de forfait. Prix des mobiles dans le cadre d'une offre portabilité, durée d'engagement minimum de 12 mois, voire conditions en point de vente.

Alors, j'aimerais que Célia m'explique pourquoi elle propose Patra. C'est évidemment pas la bonne réponse. Non. Mais Patra, en quoi c'est le nom d'une coiffure? Parce que à l'origine, quand elle le défait, ça fait patatra. Effectivement, à l'origine, elle s'appelait Patra et par rapport à ses grosses tresses, tout le monde a appelé ça des patras. Mais c'est pas ça. Ah, donc c'est l'inverse. Oui. C'est l'artiste avec sa coiffure qui a donné le nom à une coiffure. Oui. Ok. Là, on cherche quelqu'un qui s'est inspiré de la coiffure pour choisir son nom. Disons qu'il a trouvé son nom, effectivement. C'est un mec. Par rapport à la coiffure qu'il faisait. Son entourage lui a trouvé son nom par rapport à la coiffure qu'il faisait. Et le mec date de 2003. Oui. Il vient de la Caraïbe. Oui, oui. Quand tu sais pas quoi faire dans tes cheveux, tu fais un chignon. Qui porte des chignons? Non, ça peut être des dreadlocks. C'est une femme de ménage. Nicki Minaj. On attend vos propositions. D'ici là, on passe en mode. Hey baby, hello. 0800 22 30 200. Kalash appelle tous les soirs dans la radio. Vous nous donnez les numéros de téléphone des personnes que vous voulez piéger avec Kalash. 0800 22 30 200 pour nous les transmettre ou alors en PV sur les réseaux sociaux. So, ce soir, c'est Bobo qui nous a donné le numéro de Laetitia. Si vous connaissez Laetitia, la prévenez pas, il va y avoir embouteillage sur le standard. Mais qui? C'est pas moi. Ah bah moi non plus, c'est pas moi. C'est toujours ton numéro. Ah c'est Kalash, ouais. Oui. Bah bravo Kalash. non, là ça va trop loin. Pardon Hamdoula. Hamdoula, ça va. Je suis tellement désolé. On n'est pas désolé. Je t'aime beaucoup. Moi aussi, t'inquiète. I love you. Je rêve de toi. Bisous, ciao. Je t'aime beaucoup. Je t'aime beaucoup. Au revoir. Alors je sais pas ce qui me choque le plus dans le Hey Baby Allo, c'est le fait qu'elle connaisse pas du tout les chansons. Et qu'elle l'a reconnue quand même. Pardon Hamdoula, Hamdoula ça va? Ouais, la meuf, tu sais genre, la calache au téléphone, elle chante un refrain de la fouine. Ok. I love you. Mais par contre, je voulais dire un truc. C'est sympa de nous donner des numéros de téléphone, mais nous donnez pas des numéros de téléphone de filles de 12 ans. Parce que le moment où on lui fait Vini point, elle dit ah non là par contre, j'ai pas droit. Bref, on en a d'autres. Vous nous filez les numéros de téléphone du Hey Baby Allo. On appelle à n'importe quel moment dans la trace radio. À tout de suite. Génération 97. Guadeloupe, Martinique, Guyane, 100% radio libre. Tous les soirs sur Trace FM. Baby, this is what you came for. Lightning strikes every time she moves. And everybody's big up Pizzo Song, big man Gigi. But she's looking at you. Cause right now I'm in my zone. Now we on the road, we parading. And we passing the ceiling. With the vibes we create. No talk I can take. Yeah. synchroniser. Mais si, c'est en rythme en plus. C'est pour la première fois qu'il a réussi à rentrer dans la chanson. Le tempo, c'est pas ton fort, hein, Hugo. Ouais, j'avoue. Ouais, mais là, c'était bon. Là, Hugo, c'était tout bon. Seul, on y va. Lève les mains. Lève les mains. Attends, attends. Lève les mains. Je me concentre. Lève les mains. Lève les mains. Lève les mains. 1, 2, 3. On tape, tape. On tape, tape. Pap, pap. J'ai dit Hugo tout seul. Attends, attends, je fais dans ma tête. On tape, tape. C'est horrible. On dirait qu'il y a un décalage, tu sais. Mais n'importe quoi. Ouais. Le gars, il est en streaming. Tu sais, moi, il n'y a rien qui m'énerve plus quand t'es sur le web, que tu regardes un film et que tout d'un coup, les voix ne correspondent plus avec le mouvement des lèvres. Ça, ça me gave. Okay, t'es obligé de faire la synchronisation dans ta tête. Alors, tu fais la synchronisation dans ta tête, pourquoi? Parce que tu remets jamais la barre 5 minutes plus tôt, parce que tu sais que tu vas te retaper le téléchargement de la séquence. Et pire encore, si tu te retapes mal le retéléchargement de la séquence, tu repars au début. Et pour retrouver la position exactement où tu étais dans la barre de lecture, c'est chiant. Hugo, tape, tape. Attends, je me concentre. Mais non, mais si tu dis tape, tape, ça me perturbe. Attends. C'est le signal. C'est pas mal, c'est moins de décalage que tout à l'heure. Ça m'a laissé y hein. Pull up. Guyane. Exprime-toi librement dans Génération 9-7 sur Trace FM. On a du chic dans la radio, on a des indices et on cherche une personne célèbre. Je viens de la Caraïbe. J'ai choisi mon nom d'artiste par rapport à une coiffure. On me connaît surtout depuis 2003. Qui suis-je? On a Sandrine qui nous rejoint du côté du standard. Bonsoir Sandrine. Bonsoir. Tu es à Chelcher? Oui. Ça se passe bien? Comment? Ça se passe bien à Chelcher, c'est cool? Oui, ça va. Franchement. Bon bah tant mieux. Ok, bonne soirée. T'sais, le mec genre, tu sais, je sais pas. En fait, elle trouve ça suspect en fait comme question. Tu sais, genre le mec qui travaille aux impôts, qu'est-ce que j'ai pas payé ce mois-ci. Non, c'est vraiment juste pour prendre de tes nouvelles. Tu sais, des fois, on prend pas le temps. Je trouve qu'on discute avec les gens, mais très rapidement. Moi, j'ai envie de prendre le temps. Alors, qui es-tu? Que fais-tu de beau dans la vie? Qu'est-ce que tu nous racontes? Raconte-toi. Ben, pour le moment, je suis en vacances. Donc ouais. Voilà. Tu fais. Ah, d'accord, vacances. Ok. En plein mois d'octobre. C'est cool, ça. D'accord. Tu fais quoi comme métier pour être en pleine vacances, là, tout de suite? Pôle emploi. Je pense que t'es tombé juste. J'ai l'impression que t'es tombé juste. Je dis ça, je dis rien. Tu bosses pas en ce moment, c'est ça? Ben voilà, c'est ça. Bon, ben écoute. Ah merde, ah, par contre, je vois pas fait la blague. Tu te rappelles la chanson? Bah écoute, tu sais quoi, on va t'inviter à venir avec nous dans le studio. Hein. Je vois que c'est la seule solution. Ça ressemble à une voix de garage comme ça, mais c'est bon, au moins on s'amuse le soir. Il n'y a pas de problème. Sois la bienvenue. Sinon, tu cherches dans quoi? Parce que tant qu'à faire, on peut peut-être joindre l'utile à l'agréable. Hein. Ben ouais. L'animation. Hé hey événementiel. Hey. C'est parfait pour toi, il y a une petite annonce, une place vient de se libérer dans les anges de la télé-réalité. Elle a cru deux secondes, tu sais, genre, hey, on va virer le stagiaire, on te prend. Non, non, non, va faire de la télé-réalité. Non, sérieux, t'as une expérience dans le milieu ou pas? On va dire toi oui. Ouais, t'as fait quoi? Bah vas-y, sois un tout petit peu plus loquace, moi j'adore. Vas-y. Bon, en fait, je travaillais en tant que chargé d'action. Ouais. Donc, la mise en place d'animation, d'activités, de soirées, etc. Uh-huh. Donc, voilà. C'est cool. Et, écoute, j'ai envie de poser les questions. Allons faire un entretien, les gars. Allons faire un entretien d'embauche. Ah. Allez. Déjà, on voit ta photo. Les gars, normalement, ils auraient dû déjà te demander ça. Les gars. Je sais pas si c'est légal sur les CV. Non, c'est pas très légal. Sur les CV, la photo n'est pas obligatoire. Ça peut aider parfois. Ouais, ben ici, écoute, franchement, honnêtement, tu devrais pas dire ça parce que sinon, t'aurais jamais fait de radio. C'est méchant. Ah, franchement, non, te taquine. Mais t'as ton permis? C'est vrai, c'est une bonne question, ça. Ouais, t'es mobile? Oui. Ok. Le travail d'équipe. Oui, exact. Oui, exact quoi? C'est quoi cette réponse? Quand quelqu'un t'énerve au boulot, On va passer au, directement au questionnaire de la télé-réalité. Quand quelqu'un t'énerve dans le même espace que toi, tu le frappes, tu l'insultes en t'assurant que tu es bien dans l'angle dans la, de, la, de la caméra, ou éventuellement, tu le tues. Rien de tout ça. Je reste tranquille. La calée. Ah ouais, putain, ouais. Première question. Si elle est pas foutue de elle péter est... un plomb. Mais franchement, honnêtement, non, non, désolé. On dirait la production de la production de la télé. Non, désolé, madame, vous n'êtes pas le profil qu'on cherche. On cherche quelqu'un qui est dangereux, hein, pour dire les choses. Franchement, avez-vous des contacts éventuellement djihadistes? Non, pas du tout. Tu connais quelqu'un à Ducos? Plusieurs, on rigole. Ok, quelle est votre connaissance de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique? Des connaissances basiques, quoi. Tu es déjà allé en Guadeloupe? Oui. Tu es déjà venu en Guyane? Par contre, non. Trop pauvre ou... Ouais, trop pauvre, ouais. Assez, trop pauvre, toi, mais... Trop pauvre, ah oui. D'accord, ok. Votre a priori sur la Guyane avant d'y être venu, c'est 200 000 personnes dont la moitié d'analphabète. Vous votez Nicolas Sarkozy, mademoiselle? Je teste. Non mais blague à part, ça nous ferait kiffer. Tu veux passer au studio quand on sera de passage dans ton département ou pas? Tu veux ou pas? Bien sûr. Ça te ferait kiffer? Ah oui. Putain, tu sais quoi? On voit ta photo. On va lancer un... Non, pas besoin de photo, mec. Le talent, c'est pas comme ça que ça se mesure. Après, c'est un autre talent qui se mesure comme ça. Ça peut faire partie de l'aventure, c'est sûr. Allons lancer un énorme Traslanta, les gars. Vous vous rappelez comment on avait recruté Keshi? Non. J'en ai aucun souvenir. Moi non plus. Putain, je comptais sur toi parce que je me rappelle plus ce qu'on a fait pour le sélectionner, pour le mettre. La bouffe. Non, il y avait des épreuves, je sais pas. Imaginons qu'on cherche les ambassadeurs en fait de Thrace, tu sais, où qu'ils soient, Guyanais, Martiniquais, Guadeloupéens, etc. Et en fait, je me dis, tu vois, ben, par exemple, Sandrine, elle pourrait devenir ambassadrice. Elle a des qualités en matière d'animation, machin, etc. Bon, elle est là, elle tâte le terrain, pour l'instant, elle est pas encore complètement à l'aise. Moi je dis que nous pouvons en tout cas lancer l'aventure Traslanta avec une première candidate. C'est-à-dire que c'est à mi-chemin entre la télé-réalité de merde et la télé-réalité de qualité qui va te permettre de surpasser tes limites. Pourquoi pas? Ah, de te mettre à l'épreuve. Ah ouais. Hugo, c'est comme ça qu'on l'a eu? Bah bon. Non, t'es pas au courant que t'as répondu à un casting, mec. Ah, bah oui. Lui, il sait pas. Il est pas au courant. Non, oh, bah non, je croyais que... Je suis né ici, moi. Bon, t'es là pour nous donner des réponses au c'est qui. On va déjà commencer par la culture générale. Premier test, ce soir. Des indices vous mettent sur la voie. Mais seuls certains d'entre vous ont la bonne réponse. On cherche une personnalité célèbre. Je viens de la Caraïbe. J'ai choisi mon nom d'artiste par rapport à une coiffure. On me connaît surtout depuis 2003. Qui suis-je? Alors, moi j'avais pensé Admiral. À qui? À qui? Admiralty. Pourquoi en fait sa coiffure aurait influencé le surnom qu'on lui donne? Parce que les gens aiment bien sa coiffure et ils sont admiratifs. Et puis mine de rien, même si c'est pas toujours super super méga entretenu tout le temps, c'est quand même belle. C'est quand même belle. N'importe quoi. Voilà. Voilà. Et puis en plus j'aime bien le petit côté, le bout des mèches là, machin, etc. C'est un peu croustillant. C'est croustillant, mais quand même belle. C'est quand même belle. Je ne vois pas d'autres explications. Franchement, honnêtement, si vous avez trouvé autre chose, ce n'est pas possible. Vous êtes dans l'erreur. C'est nous qui avons raison. Non, je pense pas que ce soit Admiral. Non, c'est pas lui, Miss. Oh non. C'est pas lui. Non, c'est pas lui. C'est pas moi, non. Tu vois, j'étais prêt à mettre en jeu, tu vois, le fait que tu passes à la radio, que tu viennes consoler ta solitude. T'as des enfants? Non, pas du tout. Ah, t'es célibataire? Comment? C'est compliqué, on va dire. Elle est compliquée. C'est pas de quoi vous parler. T'as un mec? Oui. Ah, là, tu comprends mieux la deuxième fois, tu peux pas y échapper. En tout cas, elle s'est dit, est-ce que je suis honnête ou pas? Pour savoir. Non, mais tu sais, nous, sincèrement, s'il fallait coucher pour avoir un poste, honnêtement, ben Nessie, Lilou, Sabri, Maë, Hugo, Fred de la radio. Sans comment? Sans comment? Et là, ce que Nessie pense, là, le regard qu'elle m'a lancé. J'ignore qui vous êtes. J'ignore ce que vous voulez. Je vous chercherai. Je vous trouverai. Vous trouverez. Et je vous tuerai. Putain, c'est quel film, ça? C'est Tekken? Je suis tellement désolé. Écoute, en culture musicale, ça tient quand même un peu la route. Écoute, tu sais quoi, on te lance officiellement, tu n'as pas gagné le C'est qui, on va rajouter des indices, mais on te lance officiellement une invitation à venir dans le studio quand tu veux, pour peu qu'on soit dans ton département. L'idée, c'est de se connecter, et si t'as envie de voir un petit peu les superbes studios, discuter avec des gens plutôt sympas, et éventuellement coucher avec certains d'entre eux, même si t'as un mec. La proposition indécente, ça brille, c'est pas cool quand même de dire ça aux auditeurs. Aïe aïe aïe, le mec met ça sur mon dos, ah super. Bref, on t'invite à venir cordialement dans le studio, ma chérie, ok? On rajoute des indices, si ça se trouve, ça va peut-être faire comme un déclic. On y va pour les nouveaux indices. Je chante principalement du reggae et de la dancehall. Je célèbre dans mes chansons la beauté de la femme, le plaisir que procure le cannabis et la spiritualité. C'est un rasta, ça. Qui suis-je? Vos propositions 0820-203-200, en plus d'avoir une coiffure qui a inspiré son pseudo sur scène. Ces nouveaux indices, on les rajoute également sur le web. A tout de suite. L'iPhone 7. Tu le veux? Alors rendez-vous la semaine prochaine sur Trace FM avec le Crédit Agricole et Yop Never Stop. www.trace.fm. I'm sorry. Mister SM en sonnerie exclusive sur ton phone. C'est maintenant et c'est direct sur ton mobile. Envoie Mister par SMS au 98000 et télécharge la sonnerie, l'alerte SMS ou le réveil. Mister au 98000. Service édité par Access Interactive. 1,50€ plus coût du SMS. 2 SMS max. Trace FM. Trace FM, Curry Beach Hit 2016. La compilation des plus gros hits de la Caraïbe. Fayaz. Angela Hunt. Psych. Chico. Machel Montano. Bungie Carly. Mercury Beach Hit 2016. Disponible en digital partout. Avec Caribbean, Rockers Island et Trace. Trace FM. Trace. 0820 203 200. Le soir, tout est permis dans Génération 97 sur Trace FM. C'est fait pour toi, par toi et avec toi. And fell for you, way, baby. I know, girl, but and I know from the first time I seen your love, you got me, baby. Even though, girl, I know that I would fall for you, you got to know that everyone falls. Oops, I done fell so deep, baby. Oops, I want you for me, baby. Oops, I want you for me, baby. Oops, I done fell so deep, cause everyone falls in love sometimes. Just to be human, just to be. we moving on the social. Real gangsta no beg boy weed. Buy we buy. Anyhow, I don't beg for none. Weed is my best friend. And me no want see no next friend talk. Weed is my best friend. Some boy where you talk and I leave me no trust them. Weed is my best friend. My best friend, weed and me best party, me best charge. Right now it legal, no fed can charge me. Every day £6 in a the RD. Right now, Harry J, them a escort me. If me no have ganja, me no happy. A the child want me, I go load up shortly. No boy at all can try extort me. But now I act like Leonard Bartley. Right now me up, she up. Anything when me buy no canto. Me a drive out, she a drive out. If it fly out, she can fly out. Cause me up, she up. Nothing like when your girl turned up. See the wallet, you a go see the first up. See me girlfriend better than you. Ah, me vendetta, you. Your best key, fi member, you. All the hustling, where we going with all the cards. For your boss and you never get borrow. We lifestyle of it, too, I'll be so far up. Me might dead, you might go jail tomorrow. But anything happen to we be happy we can, so we never live a life. Cause right now me up, she up, she up. Anything when me buy no canto. Me a drive up, she a drive out. If it fly out, she can plant it up. Pour pas moller la mouka flasque, mon girl. Pour chasse avec y'a no car on the world. Pour pas moller la mouka flasque, mon girl. Caribbean girl, I no car like the world. Fresh, got diamonds and pearls. Bad girl, cabayo mal dead. DJs can mal parler, mais nous pièces pour l'air. Et si y'a des suspects, qu'on t'a représente, girl. Yo, mon nez on point, mon shape on point. Chaque côté, mon passé, mon toujours on point. La mobilité, comme mon gang, et biché on point. Caribbean girl, I look around the town. Chaque côté, mon passé, mon toujours gang style. Mon billet, ça qui capait, y'a tête non-stop. Faut toujours qu'à venir, que des different saps. Chaque son, mon cassette, c'est cabayo, different tag, non, faut qu'il. Faut pas moller, là, mon cafard, c'est mon girl. Tout ça, avec y'a no car around the world. Faut pas mouler la mouka flasque, mon girl. Caribbean girl, I no car like the world. Fresh, got them as an pearl. Bad girl, cabayo mal dead. Si es que mal parle, mais nous pièces qu'on l'ait. Et si y'a des suspects, faut qu'elle représente, girl. Faut qu'elle représente, girl. Faut qu'elle représente, girl. FM. Bonsoir. Bonsoir. Ça va? Oui, et toi, Yannick? Bah, cool, posé, tout va bien, gogo. Tijo, tranquille? Ah, pardon, il paraît qu'il faut donner tout ton pédigré, Tijo Sam. Ouais, ouais, ouais. Ça a pas dû être facile à enregistrer à la mairie, hein. Je dis ça, je dis rien. Lilou! Oui. Tu es en train de nous préparer un petit top 5. Oui, les records du monde enregistrés aux Antilles-Guyane. Ouais, on va d'ailleurs vous donner l'occasion d'y participer. On cherche les records qu'on pourrait détenir aux Antilles-Guyane. Les plus hallucinants, les moins sérieux, les plus drôles, mais aussi les plus sérieux. Des records ont été enregistrés sur notre territoire, où que ce soit, Guadeloupe, Guyane, Martinique. Quels sont ces records? 0820-203-200. Vous balancez également sur le net hashtag G97, hashtag Trace FM. Si vous êtes classé dans le top 5, vous repartirez également avec des cadeaux. Tu parles quelle langue ce soir? Je me tâte. T'as pas encore choisi? Non. Sinon tu peux animer en français ou en créole, comme tu veux. Pas de problème. Ok, pas de problème. Bon, game fait ça. Alors, par contre, ouais. En mode créole des administrations, là. C'est l'accent de Lilou qui t'a fait délirer tout à l'heure. Mais j'adore. Parle un petit peu créole. En fait, si vous voulez, en fait, c'est ce qui est assez rigolo, c'est que on a des Martiniquaises. Alors toi, t'es Martiniquaise, Maë, hein. Ouais. Toi, t'es Guadeloupéenne, Nessie. Ben bon. Ouais. en fait, ça compte pas vraiment parce que concrètement. Tu es métis. Pourquoi ça compte pas? Non, mais parce que je sais pas, parce que ton créole. Ouais, je sais pas trop bien parler. Voilà, clairement. Pourtant, la fille a grandi à Saint-Claude. Bon, en même temps, ça s'explique. Et t'as Lilou, t'as la Guyanaise, tu sais. Lilou, en même temps, c'est rigolo parce que c'est une fille qui a débarqué un petit peu sur le territoire guyanais avec un papa qui était dans la fonction. Il était pas dans la fonction. Mon père est décédé, ça va faire 3 ans. Non, tu vois, ça, ce genre de phrase, c'est juste pour mettre mal à l'aise les gens, tu sais. Je déteste ce genre de phrase. Parce que, en fait, en réalité, ton papa, c'était pas un mec qui bougeait beaucoup. Si, il était militaire, il a fait un AVC. Et elle te redit qu'il est mort. Elle te redit, tu vois, juste pour te mettre mal à l'aise. Ça ne prend pas avec moi. Par contre, n'insiste pas, s'il te plaît. 0820 203 200 également sur le net, www.trace.fm par texto. Vous envoyez trace suivi de votre message au 97 000. Bref, c'est la nana qui vient d'ailleurs, mais qui en même temps est d'un petit peu partout. C'est vrai. Bah, j'ai pas mal bougé, quoi, c'est ça. Parle créole pour moi, s'il te plaît. Fais-moi chier, frère. C'est mignon. Dis-moi encore quelque chose. Quelque chose. En créole. Bah, insulte-le. Insulte-le, enfin. C'est quoi la plus grosse insulte que tu connaisses en créole? Ah, moi je connais pas d'insulte en créole. Arrête. Une nana comme toi qui a la langue sale. Non, je te crois pas. On sait que tu as commencé par là en plus. On apprend tous d'abord les créoles, les bad words, d'abord les gros mots, clairement. Alors, tous les gros mots en créole que j'ai appris en Guyane, c'est des Martiniquais qui me les ont appris. Ouais, c'est un peu plus de dégénéré, hein, c'est certain. Bref. Qu'est-ce qu'il a dit? J'ai pas compris. Hashtag G97, hashtag TraceFM, 0820 203 200. On cherche les records enregistrés. Il y en a des tristes, il y en a des mondialement connus. En tout cas, bah, clairement, c'est un record du monde. C'est des records du monde qui ont été enregistrés en Martinique, en Guadeloupe, en Guyane. Quels sont-ils? Il y en a des tristes, il y en a des sérieux, il y en a des drôles. 0820 203 200, vous nous les balancez sur le web. Hashtag G97, hashtag TraceFM. D'ici là, on a du c'est qui et peut-être une bonne réponse. Ça, je sais pas, je m'avance peut-être. On rappelle les indices. Je viens de la Caraïbe. J'ai choisi mon nom d'artiste par rapport à une coiffure. On me connaît depuis 2003. Je célèbre dans mes chansons la beauté de la femme, le plaisir que procure le cannabis et la spiritualité. Je chante principalement du reggae et de la dancehall. Qui suis-je? On a Tatiana qui est à Pointe-à-Pitre qui nous rejoint. Elle a 26 ans. Salut Tatiana, bonsoir. Bonsoir. Comment ça va? Comment ça se passe la vie? Ça va, tranquillement. Qu'est-ce que tu fais de beau là? Tranquille, tu tues le temps? Comment ça se passe? Je sais pas moi. Après, j'ai envie de connaître. Tu vois, cette année, je me suis donné un objectif. J'ai envie de connaître un peu mieux les auditeurs, tu vois. Tu fais quoi de beau? Qu'est-ce que tu racontes? Là, je suis sur la route là, en fait. Ok, tu sors d'où? De ton amant, de ton officiel, de... De chez mon officiel. De chez ton officiel, d'accord. Et là, tu vas où? Chez maman? Chez ton amant? Chez ma sœur. Chez ta sœur, d'accord, ok. Chez ma sœur. Ouais, il faut débriefer. Si elle sort de chez l'officiel et qu'elle va chez sa sœur, c'est pour débriefer. Tu sais quoi? Il m'a encore fait un truc, j'ai pas apprécié. Ou alors, vous avez un rendez-vous télé, un rendez-vous série. J'entends pas. Vous avez un rendez-vous série avec ta sœur? Oui, ouais, grave. Donc c'est quoi ton rendez-vous série avec ta sœur ce soir? Ouais. Ouais, j'ai pas envie de partager les bons plans, je suis désolé, je suis comme ça. Fais-nous ta proposition, ma belle. Vibes Cartel. Tu penses à Vibes Cartel, là? Oui. Tu fais des cartels ce soir? Dans ta tête? Oui, je vais faire ça. Non, mais si, one woman show, pas tout de suite. Alors, ce n'est pas Vibes Cartel, Tatiana. On cherche un mec dont la coiffure a inspiré le pseudo d'artiste qu'il porte aujourd'hui. Il est caribéen, visiblement il célèbre la weed, mais aussi les femmes, ok. Y a un autre indice hyper important que tu nous as donné, c'était quoi? Alors j'ai dit qu'il chantait principalement du reggae, de la dancehall. Ok. C'est un homme. On le connaît depuis 2003. Ouais, c'est un mec. C'est un mec qu'on cherche, Tatiana. Réfléchis encore un peu. On a Oriane qui nous rejoint. Bonsoir Oriane. Bonsoir. Sim Sima, who's got the kiss of my bima? elle nous appelle de Bemao. Bima. Voilà, transition tout trouvé. Oriane, à toi. Oui. Tu penses à qui? Gypsiane. Tu penses à Gypsiane. Pourquoi? Pourquoi Gypsiane? Je sais pas, c'est Lox. Tu penses. Lox? On sait sur qui tu fantasmes, toi, en ce moment. Il y en a plein. Le mec, on parle de coiffure. J'adore trop les Lox de Gypsiane. C'est Lox. Alors, 2003, pour connaître Gypsiane, je crois que c'est pas une bêtise. Je crois que c'est pas une bêtise parce qu'effectivement, c'est dans ce temps-là, effectivement, qu'il a commencé à percer. C'est alors, je m'en rappelle pas si, je m'en rappelle plus quel titre c'est. Hold You, peut-être que c'est trop. Non, Hold You, c'est plus récent. Ouais, c'est beaucoup plus récent, Hold You. Non. Je pense que peut-être que Mama, par contre, ça doit dater de ces années-là. Si je dis pas de bêtises. Mama. Ouais. C'est encore. Je crois même que Mama, c'est après Hold You. 2005-2006. 2003, il aurait percé, mais avec quel titre? Si c'était Gypsiane. Caribéen, oui, c'est sûr. Coiffé, oui, c'est sûr. Alors après, pourquoi ses cheveux ou sa coiffure inspireraient son pseudo? Oriane. Oui. Pourquoi? Pourquoi? Pourquoi la coiffure? Pourquoi Gypsiane? Eh bien, je sais pas, j'ai déjà vu cette photo-là. L'indice qu'on a mis sur. En fait, tu sais pas comment, j'ai l'impression que tu y es arrivé un petit peu au petit bonheur la chance, mais c'est la bonne réponse. Ouais. Ah, mais ça veut ça. Alors, ouais, mais tu savais ça, sauf qu'il y a vraiment un truc construit derrière. L'explication. Alors, l'explication, c'est que. Oui, alors, Gypsiane, il avait toujours des locks qu'il tournait autour de sa tête. Ouais. Et tout le monde lui disait qu'il semblait avoir la couronne d'un Égyptien. Donc, du coup, il s'est fait appeler Gypsiane. C'est un donc, peu tiré par les cheveux. Caribéen, certainement. Il célèbre effectivement la weed et les femmes. C'est Mr. Gypsiane qu'on cherchait ce soir. Je crois que c'est le Beautiful Lady. C'est le Beautiful Lady qui doit dater des années 2003, 2004, 2006. Après, pourquoi il aurait percé en 2003? C'est quel titre? Ben, c'est, en tout cas, Wikipédia dit qu'il est en référence. Activité depuis 2003. Alors, tu sais que Wikipédia, oui, il est en activité, c'est pas percé, mais si. Un Jadi Oussa. Pas commencé à chanter. Voilà. Mais en cuisine libre. Sinon, à ce moment-là, tu peux dire que Kalash a percé à 6 ans parce qu'il a commencé à chanter entre 6 et 8 ans, tu vois, dans des chorales. Je sais pas si c'était pas plus vieux. Bref, c'est un exemple pour te dire que d'accord. Il faut pas que tu te trompes sur ce genre de truc. Bon, c'est pas grave parce que là elle a trouvé. Mais entre percer et le moment où tu commences à chanter, quand tu commences à chanter, on ne te connaît pas. Le moment où tu perces, le public te connaît. Et pour moi, le premier titre vraiment phare de Gypsiane, c'est Beautiful Lady. Oui. C'est quelle année? 2006. C'est 2006, donc c'est 3 ans après. 3 ans après, Ness. Il a fait vite hein, pour se faire connaître. Hein. Ouais, mais c'est quand même mais la bonne. Julien fait plus vite. Hein. Qui? Julien. C'est qui Julien? Julien Lepers. Pour percer. Aïe, aïe, aïe. Et Sabri, heureusement que t'es là pour nous expliquer ça. Non. Mesdames et messieurs, nous venons de vous offrir à 21h08. Heure des Antilles, 22h08, heure de Guyane, la blague de Nessie. C'était énorme. C'est donc une bonne réponse. C'est énorme. On te met ça de côté, les cadeaux évidemment, ma chérie. Bonne soirée Oriane. Merci. Ciao. Merci. Hey, du coup, t'as Naïma qui débarque juste derrière, tu sais. Naïma, elle avait la même réponse, je suis sûr. Non? Peut-être pas. T'es un peu dégoûté. En plus, toi, t'avais l'explication. Mmh. C'est-à-dire qu'en plus, t'aurais pu briller en société ce soir. T'aurais pu dire, genre, ouais, Gypsiane, c'est parce qu'il attachait ses cheveux comme ça, il marrait sa tête de cette manière, qu'on l'a appelé l'Égyptien. Mais malheureusement, elle a appelé avant toi. Je savais pas. On te garde avec nous, en tout cas. Tu bouges pas, tu raccroches pas, ma belle. Ok? 0820-203-100. Il y a d'autres jeux qui débarquent. On cherche les records qui ont été enregistrés, par nous. Les Antillo-Guyanais de Martinique, de Guadeloupe, de Guyane. 0820-203-100. On en fait la liste. Si vous êtes dans le top 5 aussi, vous repartez avec des cadeaux. D'ici là, Tige Sound. Hey, little mama, would you like to be my sunshine? Nigga, touch my game, we gon' turn this shit to Columbine. Ice on my neck, cost me 10 times 3.

DM just caught a body. Move. I got celebs in the DM. Who? They're breaking news if they see them. Who? But nah, we don't do no talk. We don't do no talk. We see something shit too often. Fuck niggas. I seen your girl post a BM. So I hit her in the DM. All eyes, yeah, I see him. Yeah, this your man, I hate to be him. It goes down in the DM. It go down. It go down in the DM. It go down, it go down. It goes down in the DM. It go down. It go down in the DM. It go down, it go down. Don't you hate when you get screenshotted? Hit it. Bitch, that DM one for everybody. Rules. I love the girl, I love the girl, I love the girl. In the club and a nigga did it poppin'. In that hoe she wanna free drink. Tell the bitch to get up off it. I'm the nigga to get it poppin'. Her hat short like Jenny Rock. At the clip point, nigga, we flyin'. When I landed, boy, I walked in 30,000 in my pocket. Had a nigga did it like, ooh. $50,000 on your bitch. Wanna fuck me, got me, got me like. Comme tout le monde, j'ai un but. Comme tout le monde, j'ai un rêve. La vie est mon professeur. À comprendre que tout vient à point, à qui c'est t'attendre. Si j'ai une bonne étoile, alors je lui fais confiance. Elle fera tourner la roue si je saisis ma chance. À moi de me donner les moyens pour y arriver. Je sais que pour réussir, faut en papier. Le chemin est long et souvent rempli de doutes. Mais je sais que là-haut, il y a quelqu'un qui m'écoute. Et si j'échoue, au moins j'aurai tout essayé. Mais d'ici là, je laisse mon cœur me conseiller. Supposed to heal ya, but I ain't done much healing. Hello, can you hear me? I'm in California dreaming about who we used to be when we were younger and free. I've forgotten how it felt before the world fell at our feet. There's such a difference. Des petits bonsoirs à Philo. Après c'est Smayou. Hello from the other side. In the radio we are inside. Voilà comment massacrer une chanson. Merci les gars. T'aimes encore plus l'original, c'est grâce à nous. C'est ça le vrai rôle d'un animateur radio en fait. Petit jeu, ça on revient dans un petit instant. Malagua La Gana, faites votre playlist, un titre que vous avez envie d'entendre, un défi que vous avez envie de lui lancer dans le remix. On a du son du Bando qui débarque tout à l'heure dans la Trace Radio également, le son qui s'écoute dans la rue. Ça se trouve, tu te reconnaîtras dedans. Ou alors tu vas proposer le tien. Ça tourne en boucle dans ta voiture. Vous débarquez 0820 203 200. Sans mal essaye. Hop. Génération 97, le soir, prends la parole sur Trace FM 0820 203 200. Appelle, exprime-toi en direct. On a le top 5 qui débarque dans un petit instant. Dans le top 5, ce soir, on s'intéresse aux records bien de chez nous. Et on est en train de regarder pas mal de trucs sur le web pour savoir si c'est enregistré comme un record ou pas. Parce qu'il y a des vrais records qui sont enregistrés par le Guinness Book. Des tristes, des drôles, des très sérieux aussi, des très honorifiques records. On attend vos propositions. Il y a quelqu'un qui m'a proposé, je pense qu'on est les plus gros buveurs de rhum. Eh ben oui, c'est le Guinness Book déjà. Ouais, c'est plutôt marque de bière ça. Eh bien, pour la boisson, il n'a pas tort, mais c'est pas le rhum. 0820 203 200, on attend vos propositions. D'ici là, le cocoteur débarque dans un petit instant. Les traceurs, ça c'est celui d'hier, pour vous mettre en appétit. On est en train de chauffer 5 personnes différentes. On n'a pas encore choisi qui on appelle en direct dans une poignée de secondes, mais ça c'était hier soir. Et lui, on l'a choisi et on l'a pas raté. Oui, allô. Bonsoir, chien en chaleur. Ah, ok, j'en sais plus. Dis-moi, tu ressembles à quoi? Mais je suis bien debout. J'ai un tatouage sur le dos et sur l'épaule, ouais. Sur le bras. En ce moment, je suis célibataire. Et dis-moi ce que tu vas me faire quand on se verra tout à l'heure. Ouh là là, ça fait tellement longtemps que j'ai pas. Alors franchement, je crois que je vais te faire beaucoup de trucs. Hein. Ça dépend déjà la base de ce que tu aimes. Tu aimes un peu tout, toi. Ouais, j'aime tout. Franchement, ça fait un petit moment que j'ai pas. Alors franchement, je vais profiter au maximum. Ah là là, tu m'excites, ça énerve ma chatte. Attends, écoute-la, elle est énervée. On avait un énorme featuring hier, hein, quand même. Attends, elle recommence. Aïe, mon Dieu, Pussy Gata. Allô? Il a fini par raccrocher quand il a entendu les bruits de chatte. Je tiens à vous dire qu'aucun animal n'a été maltraité pendant ces séquences. Le cocoteur en live, ça débarque dans un instant, les traceurs. On cherche également les records tristes, sérieux ou déments qu'on a enregistrés chez nous. Restez là. L'iPhone 7. Tu le veux ? Alors rendez-vous la semaine prochaine sur Trace FM avec le Crédit Agricole et Yop Never Stop. Ce dimanche soir, entre 19 et 22h, Trace FM te rejoue le meilleur de Génération 97. Le replay. C'est le replay de Génération 97. On va parler ce soir. Dirty Talk. Dirty Talk. J'avoue être sensible aux gémissements. Pas n'importe quel gémissement, parce qu'il y a des gémissements qui sont vraiment horribles. Les pornos japonais, j'ai du mal. Moi j'adore. Et Doggy Message ! Et Doggy Message ! Génération 97, le meilleur de la semaine. La crème de la crème des conneries de la semaine. En rediff ce dimanche soir entre 19 et 22h sur Trace FM. Le replay de Génération 97 aussi dispo sur trace.fm. Trace Tropical et Stonehouse Events présentent l'événement le plus attendu de la Caraïbe. L'ex-président d'Haïti Michel Martelly alias Sweet Mickey est de retour avec un live exclusif à Saint-Martin. Un concert historique, un artiste invité, Jade, Oswald et de multiples cadeaux à gagner. Prévente 30€, disponible chez bisou.com, 50€ à l'entrée. Infoline au 06 27 93 70 71. Sweet Mickey en concert. The President is back. Le 22 octobre au Carnival Village de Saint-Martin à partir de 20h avec Hypnotic Gentleman Club, St. Mace Enterprises, Shippy et Trace Tropical. Génération 97. Génération 97. Guadeloupe, Martinique, Guyane. 100% radio libre. Tous les soirs sur Trace FM. Big up petit Josson, Big Bad DJ. Hachim. Oh oh. She no go mind. Boy, would you give me some? Give me some. Shorty gave me, then she called me redheaded, sleeping with a girl next door. And when she came, she said she no go mind. Boy, would you give me some? Give me some. Shorty wanna rock. Shorty wanna Shorty said ketchup, make you give me back shot. Shorty wanna rock. Shorty wanna ketchup, make you give me back a yeah. Bam bam banana bam banana bam bam banana bam banana bam bam bam banana bam banana bam. say she no go mind. Boy, would you give me some, give me some more? Shorty gave me, then she called me red and sleeping with a girl next door. And when she came, she said she no go mind. Boy, would you give me some, give me some? She say she wanna bounce to the naira and the dollar and the bounce. See ma, see, she say she wanna bounce to the naira and the dollar and the bounce. See, this girl know they use me ton ton, because I like a picky bum bum. This girl know they use me ton ton. She say she wanna give me some. This girl, they never trouble no one, cause if you trouble this girl, Bobby. See, shorty gave me, then she call me red and miss sleeping with a girl next door. And when she see me, she say she no go mind. Boy, would you give me some, give me some. Shorty gave me, then she call me red and miss sleeping with a girl next door. She say this me girl, girl. She got the blues, but she drink that juice, yeah. She want the walk till it bruise. If you see the Indian girl, oh, oh. I ain't never seen no girl like you. Ooh. Pretty like Dolly, but you can't look loose. Girl, I make man ball out too good. When she whining, she crying, and she whining, she whining. Good, good, good, good, good, good, yeah. Good, good, good, good, good, good, yeah. Good, good, good, good, good, good, yeah. If you see this Indian girl, what she got? Front way, back one. Oh, oh, oh. She want me beat it up. Oh, oh, oh. She talking that smart, yeah. If you see this Indian girl, what she got? She come back loose. Oh, oh, oh. But she drink that. Sweeter than Kim Kardashian, Gabrielle Union, Disha Rambachan. You're sweeter than, you're sweeter than. And your body look fit in your tight dress, girl. Wanna walk it up and jack it up on the wall. One taste of the good stuff that could make you ball scream. Out on the floor and make you crawl. She said, all I do in jail, don't stop at all. She riding slow. She make that crowd like she putting on a show. Je n'entends pas. Allô, pourquoi tu changes de voix? Tu prends mes nouvelles. Mais qu'est-ce qui se passe? Ah bon, t'aurais vu ma jumelle. C'est ça qui t'angoisse. Comme c'est bizarre. Pour toi j'ai tout donné. Et malgré tout ça mon gars tu as fauté. Ah, j'ai galéré. Aujourd'hui tu me demandes de me retourner. Il n'y a plus d'espoir. Toi et moi c'est fini, c'est mieux comme ça. Tu avais trop soif, maintenant tu assumes, ça s'arrête là. Non, je ne peux pas le nier, je ne pensais pas que j'allais m'en remettre. Maintenant je peux te jurer que dans toi ma vie est liée. C'est un anime, tout est badé, y'a pas anime. Il s'est galé, ouais, y'a beau, ouais, mais dada, des badés. T'es au Eden, belle, y'a que même à foncer. T'es au papa, et qu'il y a la imande. When you're good, you're just good. I mean, nobody tell us that you can't, yeah, you should. Use what you have, it's a bit of a. Use what you have, it's a bit of a. Make them say I'm tired, tired, tired. Tired, tired, tired. Not gonna win, not gonna win. Not gonna win, not gonna win. Make them say I'm tired, tired, tired. Tired, tired, tired. Not gonna win, not gonna win. Not gonna win. Use what you have, it's a bit of a. And turn your ways. Please be one thing, please be yours. dancing in your Jeep, let me hear ya beat from down the street. I know you're looking cute in your Tommy and Versace suit, in your sneakers and your boot. Let me see a salute. That is well, I'ma see you now, well, and let me see you just well. On est en octobre, j'ai l'impression que le mec il fait un petit warm-up, tu sais, genre il veut pas trop déboussoler les gens, tu sais, mais genre limite, pense au carnaval. Pense au carnaval. Hashtag G97, hashtag Trace FM, Lunastra avec nous également. 0820-203-200, Geek est connecté. Hashtag G97, hashtag Trace FM. Ok, on y va, c'est parti. Pondy Radio, Pondy Radio, Pondy Radio, Pondy Radio, Pondy G97, Pondy G97, Pondy G97. Sauf que je sais pas encore à quel pas ça correspond. Hashtag G97, il y a Trace FM sur les réseaux sociaux ou en direct. Vous connectez sur les fréquences de Trace, Guada, Yana, mais aussi Mada. 0820-203-200, c'est le numéro de téléphone pour nous joindre. Yo, la radio est libre. Pondy Bitch, Pondy Bitch, Pondy Radio, Pondy Radio, Pondy Hugo, Pondy Hugo, Pondy Hugo. Yo, Pondy, ça veut dire quoi au fait? Ça veut dire sur. Tous sur Hugo. Ouh là là, c'est chaud. T'avais l'air beaucoup plus emballé que ça il y a deux secondes, hein, avant de comprendre ce que ça voulait dire. Somebody say Poulo. Génération 97. Martinique, Guyane, 100% radio libre, tous les soirs sur Trace FM. 0820-203-200 également sur le net, www.trace.fm. La Martinique, la Guadeloupe et la Guyane sont parfois tristement célèbres avec leur record du monde. Sont parfois incroyablement célèbres avec leur record du monde. Sont parfois tellement drôles avec leur record du monde. On m'a proposé premier consommateur de yaourt de la France. Eh ben non. Ce n'est pas classé parmi les records ce soir. Moi, on m'a dit record du monde de la langue la plus sale aux Antilles-Guyane. Non, il y a des... Ah, un petit peu quand même. Ah, y a des... Oui, on a la langue sale, mais à la limite, tu vois, en fait... Pire, hein. C'est-à-dire qu'en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que parfois, les jurons qu'on a, c'est des virgules. C'est de la ponctuation. Maman. Tu vois ce que je veux dire? Donc, il faut pas forcément confondre la langue. C'est là, Ounia Maman. C'est pas vraiment un juron. Voilà. Tu comprends ce que. Et d'ailleurs, il l'a dit sans qu'on le censure. Tu comprends ce que je veux te dire? Ouais. Eh, tu sais, parfois, dans certains endroits, quand tu y vas, les gens, la ponctuation, c'est le moment. C'est-à-dire que le mec, il est là. Il te regarde et il te fait. Qui genre, voilà. D'accord. Le mec il te demande de tes nouvelles. C'est vrai. Et simplement et de tes nouvelles. Le mec il tient à toi. Si mal. Ma colère, ma colère, ma colère, ma colère. Puis c'est ces moun là. Ah ouais, c'est ma raille. Ah ouais, désolé, désolé, désolé. Et quand tu dis j'ai mangé à Pont-à-Mont. Oh lolo. Tu n'as pas injurié. Alors ça c'est les insultes à Saint-Claude. Le dimanche. On a un petit jeu. On s'amuse à faire comme si on insulte. Les bourgeoises, tu sais. C'est pareil pour Shelcher. C'est pareil pour. Attends. Non, on n'insulte pas beaucoup, Ayana. Franchement, honnêtement. À part sur la place des Palmistes de temps en temps, tu sais. Ponctuation. Tu rigoles quoi. Ou quoi? Ah, tiens, voilà, ça y est. Il y a tellement de Martinique et en Guyane. Que des insultes, on a tous les points. Vous avez remarqué ce qu'elle a dit quand même, hein. Ouais, genre limite, Martinique. C'est pas les Guyanais qui insultent, c'est pas les Guadeloupéens, hein. C'est les immigrés, les immigrés, Martinique. Les migrants. 0820-203-200, on espère que ça va de votre côté, où que vous soyez. Tiens, bah, balancez, vous êtes où? Vous faites quoi? Hashtag G97, hashtag Trace FM, 0820-203-200. On cherche les records qui nous rendent tristement célèbres. Ou alors, célèbres avec honneur. Ou alors, qui font la planète entière se moquer de nous. On a des records enregistrés en Martinique, en Guadeloupe, en Guyane. C'est officiel. On en parle dans un petit instant. 0820-203-200. On a du sexe confessionnal aussi qui se prépare. Alors attention, ce sera un double ce soir dans le sexe confessionnal. C'est Maë et Lilou. Vous allez nous parler de quoi? On va vous parler de sucreries. Sucrerie et fellation, tu sais, déjà, elles sont pas d'accord sur le vocabulaire, ça promet. On cherche de la synchronisation, les filles. Vous allez nous parler de... La grosse sucette. Qu'est-ce que tu fais là, toi? Excusez-moi. C'est comme quand tu fais un rêve, tu sais, ça se passe plutôt bien. Et puis d'un seul coup. Et tu comprends pas. T'as un collègue masculin qui débarque dedans. Tu te demandes. Tu fais des rêves bizarres, Yannick. Personne. Non, ça m'arrive. Non, alors, moi, t'as déjà rêvé de moi Non. Ah, tiens C'est une bonne question. C'est une bonne question. Non, j'ai jamais rêvé de Sabri. Mais j'ai rêvé une fois de Nessie. Oula. J'ai rêvé une fois de Nessie. C'est un vrai rêve. J'ai jamais rêvé de Lilou. J'ai jamais rêvé de Maé. Keshi, je crois que t'as participé à un de mes rêves. Oh bon Dieu. Ça n'avait rien de sexuel. Et le rêve avec Nessie? Ouais, ça paraît le bien. Rêve avec Nessie, pour être tout à fait honnête avec vous, je ne le comprends pas. J'arrive toujours pas à l'expliquer encore aujourd'hui, mais c'était sexuel. Oh merde. C'est un peu incestueux. Qu'est-ce que tu lui faisais? Qu'est-ce qu'elle te faisait? Alors, je sais pas, mais bizarrement, Nessie me surprenait. En quoi faisant? Dans quel sens? Je sais plus exactement en quoi faisant. La vérité encore. Développe. Parce que pour surprendre, je sais surprendre. Mais c'est pas la peine d'essayer de me vendre quoi que ce soit dans le monde réel, je ne suis pas intéressé. On a peut-être baisé dans mon rêve, mais ça s'arrêtera là. Okay, c'est ça que je veux pas d'ennui avec ton doudou. Ouais, c'est pas une question d'ennui. Même si je l'aime beaucoup, hein, ce mec. Hein. Mais c'est pas une question d'ennui, c'est plutôt une question de. Non, c'est vrai que effectivement Nessie, je la vois beaucoup plus comme quelqu'un de ma famille en fait. Maé et Lilou, vous êtes encore en ballotage. Vous êtes encore en ballotage, il y a une partie grise. Non, mais ça veut dire que tu fais des rêves porno avec des gens de ta famille. Non, alors ce rêve flou. Je n'y crois pas, c'est merveilleux. Pourquoi est-elle à genoux et moi debout? Je ne comprends pas. Allons jusqu'au bout. Mais c'est vrai, je t'avais raconté quand même. Oui, il me semble. Alors, ça te tu as censuré aussi, toi. Mais tu sais, non, mais c'était il y a longtemps. Hein. C'était il y a genre trois ans. Ouais, au moins. Ah, au tout début, vous n'étiez pas encore fiancés. Tu t'en rappelles? Tu sais, la meuf, elle a classé ça dans un dossier. Ne jamais ressortir ce dossier. Ne jamais ressortir ce dossier. 0820-203-200, on a des records perso qui sont proposés. Le plus grand nombre de gamelles et de coups reçus en moins d'une heure. Alors, Lunastra, ça pourrait être un record s'il était enregistré par le Guinness Book. On est quand même en train de parler de choses qui sont officiellement reconnues parmi les records aux Antilles-Guyane. On va en parler évidemment. On a du cocoteur également qui se prépare dans un petit instant. Alors, t'as choisi celui qui... Oui, il s'appelle Kalalou. Il y en a un qui est sorti du lot. Et le mec... Kalalou? Depuis le début de la soirée, le mec chatte avec 5 personnes différentes. Il a choisi Kalalou. C'est Kalalou qu'on appelle dans un petit instant en direct. Je crois que c'est un pote à moi. Sérieux? Attends. Je le connais? Non, je pense pas. On connaît tes potes en général. Non, mais pas ceux-là. Ceux-là, c'est des copains avec qui on se retrouve sur Tube Galore ou YouPorn. Et on débrief. On appelle dans un petit instant Kalalou, donc dans le cocoteur, en direct. Il est encore en train de le chauffer, en train de le chatter. Donc du coup, t'as fait quoi des 4 autres? Tu les mets en attente? Tu fais quoi? On fera demain, après-demain, il y aura toute la semaine hein, pour eux. Mais mec, ta vie, 24H, tu chauffes les gars ou les nanas qu'il y a sur les sites de rencontres, quoi. Ouais, quand je dors pas. C'est-à-dire 2 heures par nuit. Hein. Je dis ça, je dis rien. 0820-203-200. Allez, on classe les tristes records, célèbres records. On a des propositions également du côté du standard. Oh, Bensley, qu'en fait, Simal? Qui genre? Voilà. Tranquillement, posé. Je le perce avec moi, là. Il a vraiment joué à Nessie. C'est toi qui m'as envoyé un WhatsApp. Mais Nessie, quand même. Mais j'ai pas pu lire, j'ai pas pu écouter l'audio. Je t'ai bloqué. Non, j'avais plus le numéro. Ouais, mais bon, pas flipper. Moi, t'inquiète. Je voulais t'embêter, mais je l'ai perdu avec moi, là. Bah alors, par contre, du coup, tout le monde a envie de savoir c'est quoi le WhatsApp que tu lui as envoyé, quoi. Non, rien, non, je délirais sur elle, surtout. Mais play en direct. C'est quoi, c'est des notes audio ou pas? Ouais, c'est vrai. Allez, attends, passe-moi ton téléphone. Allez, donne-moi, on va écouter parce que les gars, vos histoires de trucs underground, là, machin, etc., où on comprend rien, ça nous intéresse pas. Nous, ce qui nous intéresse, c'est de comprendre. Donc, voici l'audio qu'a envoyé Bensley sur le téléphone personnel de Nessie tout à l'heure. Nessie, c'est Bensley. Attends, bouge pas, je mets en Dolby Surround stéréo. Nessie. Ouais. Maman, le truc marche pas bien. C'est quoi, comme téléphone? C'est un Samsung? Mais c'est normal. Il croit que c'est ton oreille. C'est normal. C'est un Samsung. C'est pas un autre. Attends deux secondes, Bensley, parce que ça se trouve, en radio pour vous, officiellement, je suis en train de prendre de très très gros risques avec un téléphone qui risque de m'exploser dans les mains ou de prendre feu. C'est pas le 7. J'ai reçu une action. Je ne sais pas. C'est Bensley, arrête de raconter des conneries à la radio. C'est Bensley, tu racontes que les conneries. Il est super intéressant ton WhatsApp. Franchement, je suis très très content. Je suis très très content de l'avoir diffusé. Franchement, honnêtement, je me dis waouh. Merci de m'avoir. Merci Bensley. Merci Nessie. Ouais, merci d'avoir donné ton portable aussi. Hein. Ah, mais elle est soumise depuis que je l'ai baisé dans un rêve. Bon bref, Bensley, tu voulais peut-être évoquer un record dont on serait les détenteurs. Alors, vas-y, dis-moi. Je pense pour le champagne, on détient le record. Si exact. Bien voilà, joué. Et je pense niveau judo au monde par rapport à tes dernières. Alors, il pense ouais, à un record, en fait, grosso modo, qu'on est les plus gros consommateurs au ratio de population dans notre zone par rapport à tous les départements de France. De champagne. Ouais. Au monde, la Martinique a été reconnue pour l'année 2015. La Martinique et la Guadeloupe, d'ailleurs. C'est non, grâce. Oui. Martinique en première position, la Guadeloupe en deuxième position. Ah, ça moins moins, ça boulait plus vite. Ça me dérange pas, ça me dérange pas. Allez, Alors, attention, oui, en même temps. Par contre, la Guadeloupe détient un autre record. Tout ce que je peux te donner en indice, c'est 12 secondes et 99 centièmes. Bensley, ils ont enregistré ta prestation sexuelle, mec. Non. Attends, bouge pas, Bensley, on a d'autres propositions qui débarquent. Préliminaire inclus. Un préliminaire inclus. Il a parlé de Teddy Riner par rapport à son palmarès de judoka. Il n'a pas le record du monde. Il n'a pas le record du monde pour l'instant. J'ai pensé aussi... Marie-José Pérec, alors. Non plus. C'est pas classé. Ils ont leur record du monde, c'est sûr, oui, mais c'est pas classé. Mais c'est pas classé, parce qu'il y a des choses encore plus fortes. Je te rappelle qu'on classe Martinique, Guadeloupe, Guyane, tout confondu, et qu'on classe des choses sérieuses, des choses moins sérieuses, non, très en fait, drôles, et des choses un peu tristes aussi. C'est Martinique, Guadeloupe, Guyane contre le reste du monde. Non, moi, à l'heure actuelle, je préfère donner des trucs qu'on fait de bien, quoi. Je sais, avec tout ce qui se passe en Guadeloupe, je préfère dire ce qu'on fait de bien, quoi. Eh bien, c'est un record, très bien, le record dont je t'ai donné l'indice. Alors, par contre, il y a quelqu'un qui a évoqué sur le web qu'éventuellement, la Guadeloupe pourrait avoir le record de meurtres, en fait, ou d'exactions, genre la violence, machin, etc., par rapport à Marseille, par rapport à d'autres départements de France. Je vous rappelle qu'on cherche des records mondiaux. On cherche pas des records nationaux. On cherche des records au monde. On est malheureusement parfois les meilleurs à le faire, heureusement parfois les meilleurs à le faire, et des fois, c'est tellement drôle. Parmi les autres records classés, bouge pas Bensley. On a la philo qui visiblement veut peut-être proposer quelque chose. Salut la philo. Allô. Bon, ça passe pas. Bensley, c'est peut-être ta chance. Bouge pas, on en découvre un nouveau. Alors, dis-moi. Un nouveau record. Alors, donne-moi un département. Je te donne un record. Allez, Guyane. Guyane a le record de pêche pour le plus gros poisson. Et les années précédentes, c'était aussi la Guyane. Donc c'était un poisson. Au monde. 19,05 kg. 19 kilos, c'était quoi comme type de poisson? C'était un akupa rouge. Et le record est détenu par un certain Eric Courgeot. Le mec, ça veut dire qu'il a pêché le plus gros poisson du monde, en il fait. Il a un nom de poisson. Le plus gros akupa. Le plus gros akupa rouge. D'accord, ok. Parce qu'il y a d'autres poissons plus gros qui ont été pêchés ailleurs. Mais dans les catégories de poissons, en Guyane, on trouve les plus gros. Ok. Allez, tiens, Bensley propose un département, mec. La Guadeloupe. Alors, la Guadeloupe, avec 12 secondes 99 neuvième, Willem Bellotian détient le record mondial junior du 110 mètres haies. Ah, ok, d'accord. Okay, c'est record mondial, hein. On cherche pas les records nationaux, les records mondiaux. Les Guadas sautent vite. Non, mais en fait, contre Willem Bellotian, à moi, ce n'est pas que les autres choix. J'aurais jamais mis Willem Bellotian parce que pour moi, c'est soit Marie-José Pérec. Mais c'est le seul à avoir établi un record mondial. Mais parce qu'ils sont beaucoup plus plébiscités. Mais en fait, à l'échelle de la planète, en fait, Willem, d'ailleurs. Willem est... Il est dans le Guinness. Il est dans le Guinness, il est enregistré officiellement. Okay, c'est un Guadeloupéen brillant. Et c'est un record imbattu mondialement. Okay. On continue. Et la descente du petit penchant n'est pas reconnue. Non, pas encore. Mais tu peux proposer... imposer cette discipline. C'est pas enregistré. La Martinique, donne-moi un petit coup de la Martinique. Alors en Martinique, toujours dans le domaine sportif, on a le record du monde, c'est un peu particulier, le record du monde du développé couché en apnée et en immersion totale qui a été établi à Lance Mitan. Mais quel record bizarre, hein. Ouais. Le mec, il a été soulevé des poids en apnée dans l'eau. C'est ça. Et il a soulevé 36 fois. Comment il s'appelle ce mec? Gérald Riwal. Riwal? Je connais pas. Je découvre. Ça a été fait à Lance Mitan, aux Trois Îlets. Et le mec, il a porté des poids. En fait, 50 il a fait kilos, un développé couché. 36 fois 50 kilos. Dans l'eau, 36 fois. 50 kilos. En apnée. Puis, non, mais tu sais que nous aussi, il faudrait qu'on rentre dans le Guinness Book en faisant un truc comme ça. C'est pas record possible. Record mondial de la connerie? Non, mais je sais pas si on pourrait mesurer, en fait. Ça n'a pas de fond. Tu sais, il fermerait le Guinness Book, tu vois. T'en as d'autres ou pas? Oui. Alors, donc, toujours pour la Guyane, on avait parlé du record du monde de champagne, suivi par la Guadeloupe. Non, alors attends, enfin, tu m'as dit la Martinique a le record de consommation de champagne. Suivi par la Guadeloupe, et ensuite la France métropolitaine, et ensuite, surprenant, la Suisse. La Suisse est quatrième. C'est pas du chocolat seulement qu'ils mangent? Non, la Suisse est quatrième. Il y a de l'alcool. Souvent. Il y a autre chose? Oui, alors en Martinique toujours, la Martinique est l'endroit au monde reconnu mondialement où il y a le plus de femmes que d'hommes. Ah oui, effectivement, j'avais entendu parler de cette enquête. Au niveau du pourcentage. Au niveau du pourcentage, en fait, il y a tellement de femmes en fait pour un homme en Martinique que c'est incroyable démographiquement. Hein. Et ça donne au chèque à vous rester fidèle. Ouais. Combien de femmes sont seules avec vos conneries? Ça donne envie de prendre un billet, hein. Et donc le dernier, tristement célèbre, la Martinique concentre le plus de cas de cancer de la prostate par habitant. Ah merde, putain. Merci la fleur des codes. Il fallait qu'il gâche le plaisir. Putain. Et la Guadeloupe est pas classée par rapport au chlordécone. Moins. Le cancer de la prostate, ça c'est... Enfin, pardon. Oui, à la contamination par rapport au chlordécone qui donne le cancer de la prostate. C'est classé par rapport à toi. Aux gens comme toi plutôt. C'est-à-dire? Bah tu déconnes souvent. Voilà. Et toi, t'as réussi à déconner sur quand même un record tristement célèbre qui est le cancer. Je dis ça, je dis rien, Nessie. Vas-y, mets le jingle. Pas le jingle. On oublie, on passe à autre chose. Silence, carrément. Non, Nessie, je suis désolée. J'ai un nouveau jingle pour l'occasion, il sera pas long. La minute coquine. Bensley, big up, Bougoumé. Oui. Prends soin d'ailleurs, frangin. Ouais, merci, continuez votre boulot, et puis voilà. Yes, aïe. Un gros big up au passage à nos copains de tout le Comic Créole Show, d'ailleurs. Et je voulais vous dire qu'on part à Paris. Yes. On va faire notre on part à Paris pour une première partie du festival de Groupe Apo. On sera à Paris à partir du 27 et le festival c'est le 29. Bravo. Ok, ça marche, ben bon courage. Je sais que la rentrée également du Comic Créole Show c'est en janvier prochain, si je dis pas de bêtises. C'est le 7 décembre. Ah mais ben, j'ai un mois de retard. J'avance. De retard. Non, sauf si tu considères que 2017, la date à retenir, c'est le 7 décembre. Ça marche, ça se passe toujours du côté de l'instant discothèque. Un gros big up à Bensley. Un big up à tous ceux que je connais. Franchement, honnêtement, ta petite troupe derrière toi, Cotis, etc. Yeux clairs. Pourquoi tu l'appelles yeux clairs? Parce qu'il a les yeux clairs. Tu le dragues. Ok, bah au numéro, il souffle. Merci beaucoup. Bonne soirée. Bye bye. Ouais, avant qu'on enregistre tristement un autre record du plus long juron à la radio. Ce serait pas mal. Vois ça, putain. Okay, ciao. On s'enchaîne un peu de son dans les tympans. On revient avec du sexe confessionnal dans un petit instant également. 0820-200-300. Est-ce qu'on a le temps de faire un dernier jeu ce soir, Kesh? Je me mitige après. Moi, j'ai envie d'offrir des cadeaux. Il nous en reste des cadeaux. Eh ben, c'est parti. 0820-203-200, j'ai pas d'excuses, j'ai pas de raison, mais j'ai des cadeaux à offrir. Je vais imaginer un jeu là tout de suite, vous débarquez au standard. Ça se trouve, ça sera peut-être simplement le premier qui débarque au standard qui repartira avec les cadeaux. À tout de suite. L'iPhone 7. Tu le veux? Alors rendez-vous la semaine prochaine sur Trace FM avec le Crédit Agricole et Yop Never Stop. Festival Caribzik revient en mars à bord du MSC Poesia avec Trace. En concert, Wayne Wonder, Tania Stephens, Alison Hynes, Paille,

C'était quelle langue ça? Je sais pas. Bah ouais, c'était en rythme en plus pour une fois. Ça suffit pas que ce soit en rythme, il faut que tu passes la prochaine étape. Ah. Regarde. Mais c'est quelle langue ça? C'est la vraie langue. Regarde bien comment on connaît la chanson. Hey, hey, hey, hey. Bah. Hey, hey. Oh, oh. Salé. Mais c'est pas bon non plus. Sauf commun. Je dis pas ni préjugé ni fini flex. Bouge tes yeux, bouge ta couenne. Qui ou mec, qui ou musclé, qui ou costaud. Bouge tes yeux, bouge ta couenne. Qui ou blanc, qui ou noir, qui ou jaune, qui ou vert. Bouge tes yeux, bouge ta couenne. Tout le monde en sait pas si qu'à la jawa. Dis-moi Dieu. Chelou, chelou. Ibrahimov. Ibrahimov. Ibrahimov. Ibrahimov. Ibrahimov. Cavanil. Ibrahimov out, Ibrahimov out, Ibrahimov, Ibrahimov, Cavanil. Cavanil. La putude allegrio, a du monaca na putude allegrio. Désolé Tijon, désolé Tijon, on est obligé d'interrompre. On est obligé d'interrompre mec. Désolé, désolé, désolé. Le cocoteur est prêt. Je suis désolé mec, je suis désolé. Faut qu'on y aille vite, vite, vite, vite, vite, vite, vite. 0820 203 200. Le soir, tout est permis dans Génération 97 sur Trace FM. Grosso modo, ça fait environ 3 heures d'émission qu'il chauffe 5 personnes différentes. Non, 4, tu vas trop loin. 5 là. Au total. Mais non, 4 au total. Ah bon, ben bref, 4 au total. Il y en a une qui est sortie du lot, il s'appelle Kalalou. Et là, il est super chaud, le mec est en train de nous dire genre il va se coucher si on l'appelle pas. Donc, on l'appelle maintenant. Compose le numéro de téléphone cash, s'il te plaît. On revient avec des cadeaux derrière. Yannick, on t'a pas oublié. La philo non plus. Arnold, Naïma, on vous a pas oublié, les gars. Mais désolé, le cocoteur est mûr. Ding. C'est prêt. On revient derrière avec le sexe confessionnal aussi. Très bien. Tu vois, c'est ce genre de transition que j'aime bien, cash. Quand j'ai fini de parler, eh ben enfin, le téléphone est en train de sonner. C'est ça qu'il faut que tu fasses. Tu vois, c'est comme ça maintenant que je veux que tu fasses le standard. So comment, ça je peux pas te l'expliquer. Hein. Allô. Allô. Oui, bonjour. Bonsoir, c'est Kalalou. Oui, c'est moi. Ok, ça va. Ouais, tu fais quoi? Mais je vais jouer avec mon Lolo. Ah. Ok, c'est bon, je vais nous voir comment tu veux. Ben, on se donne rendez-vous ce soir, comme ça tu pourras non seulement me voir, mais aussi me déguster. Ok. Et tu es où toi? Là, je suis chez moi, je suis en train d'expérimenter un nouveau sextoy, en fait. Si tu veux, j'ai utilisé la perceuse de mon ex. Au bout, j'ai mis une carotte et je fais tournoyer ça dans mon lambé. Ah, tu aurais aimé voir. Mais comme j'ai pas de webcam, je t'ai dit, tu devras te contenter d'écouter. Attends, j'ai trouvé du papier pour poncer mon lambi, attends. Ah, ça fait un petit peu mal quand même, mais c'est trop bon. Ben oui, c'est comment? T'as dit quoi? So comment? C'est comment? Ah, je suis comment? Ben, je vais me décrire pour toi. Alors, je suis de taille moyenne, je suis très foncé de peau, j'ai un tissage rouge. Et je m'habille en jaune fluo ou vert fluo. Uniquement ces deux couleurs. Le soir, ta radio se lâche. Tu peux tout nous dire. Trace FM, Génération 97. Ta liberté d'expression au 0820 203 200. Tu peux m'expliquer comment le mec, il choisit pas de raccrocher au moment où tu utilises la perceuse. Il choisit de raccrocher au moment où tu lui dis que tu adores t'habiller en fluo. Il aime pas il les Gaza. Il y a des limites, les gars. Il y a des limites. Rouges quand on peut accepter les perceuses, mais les Gaza, c'est une autre chose. Je comprends pas comment. Qu'est-ce qui se passe dans la tête de. Il y a des gens qui veulent qu'on snap Hugo pendant un cocoteur. Ah mais non, jamais. On va le. Et on peut snapper Sarah pendant un cocoteur. Célia, si tu réunis. Alors, quel défi on lance à Célia? Si elle réunit combien de gens? Pour sa cause. Pour sa cause, on fait Hugo snapchaté pendant le cocoteur. Moi, combien? J'irais minimum 200 personnes. 100 Maman Maman ah, mais c'est beau, moi, j'ai quand même envie que ça se passe. Sur quel réseau? C'est-à-dire c'est Twitter. Non, alors elle est sur Twitter, mais en même temps elle snap. Elle veut qu'on snap Hugo. Fais une pétition, ma chérie. Mais une pétition.com. Alors attends. On se fixe un chiffre accessible parce qu'on a quand même envie de voir Hugo, okay, de vous 100. Le snapchatter en fait. Alors, tu dis combien, Hugo? De j'aime. Ouais. Donc c'est sur Facebook du coup les gens. Non. De combien on a besoin de personnes pour te valider? Minimum 50. Minimum 50 à 3, ouais. Je m'en contenterai. Non. Tu dis combien, Sabri? Ouais, 50 c'est bon. Ou 69. Ah tiens, ouais, c'est un 69, bon chiffre ça. Pas mal. 69 pile poil, pas plus, pas moins. Ok, Maë, tu proposes combien? 69 aussi, c'est pas mal. Putain, mais c'est. Y a bande que de suiveurs, bande de suiveurs. Non, mais bande de moutons surtout. Mais si. 20. Ah, toi, t'as vraiment envie que sa tête se retrouve en train de cocoter. En train de cocoter. C'est la pute. Elle s'est dit, putain, il est vraiment pas à son avantage. Pourquoi pas 20? En même temps, t'as dit 3. Non, mais moi, j'ai dit 3 parce que moi, je suis le connard de service. Ah, ben voilà. Mais tout le monde n'est pas obligé d'être comme moi. Ok, Keshi, tu dis combien? J'aime bien le petit gémissement avant. Mais moi, à 3, c'est bon. 3 personnes, c'est bon. Mais n'importe quoi. On parle pas d'un plan à plusieurs. Il y a deux belles salopes dans le studio. Et puis, il y a une nana modérée. J'ai envie de me venger, mais j'ai peur du retour. J'ai peur que des représailles. 20. Et le reste, c'est que des copains à lui, quoi. 50. C'est rien, 50. On va les faire. Tikam. Oui. Je te demande de mettre en ligne ce défi pour Mister Hugo. Nous allons snapchatter Hugo en plein cocoteur si nous atteignons, la barre des 20. 69. Mais on fait un mix de tout ça. Et une moyenne. On reste dans le sexuel. La moyenne, c'est aux alentours de 4. N'importe quoi. On va dire 50. Allez. Ça vous va pour 50? Okay. Oui. Ouais. 50. Ouais. Allez. Sur quoi? 50. 50 sur Twitter. C'est bon. 50 sur Snap. Mais ouais, dis-moi, sur Snapchat. 50 sur tous les réseaux sociaux. Oui, allez, cumulé. Allez. Quand on cumule, ça doit faire 50. Parce qu'on a vraiment envie que ça se fasse. Ok, ouais. Célia, grosso modo, tu réunis 50 personnes autour de toi qui veulent voir la tronche de Hugo en train de faire le cocoteur. Pas de problème. Au bout de 50, on te laisse jusqu'à. Allez, on te laisse jusqu'à vendredi. Non, rectification. Il n'y a que 47 personnes à trouver parce qu'il y a déjà 3 personnes qui sont partantes. Non, mais il y a plus que ça. Il y a plus que ça dans le studio. Rien que nous, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Bon, ben, plus que 41 personnes à trouver. 0820-203-200 également sur le net www.trace.fm. Tu publies évidemment sur Twitter, tu publies sur Facebook et on calculera au nombre de j'aime et au nombre de clics, machin, etc. Mais c'est déjà presque perdu d'avance, Hugo. C'est perdu. C'est perdu. On passe en mode sexe confessionnal dans un petit instant. On a Yannick qui nous rejoint du côté du standard. Bonsoir Yann. Allô, allô. Bonsoir, je suis là. Voilà un mec. Il a une bonne voix. Hein. Ouais. J'aime. Ouais. Et il a un bon prénom aussi, il va me remplacer, ça y est. Voilà, le prénom, c'est un peu moins bien. Je fais le paranoïaque. Il s'appelle Yannick. Non, mais le prénom, ça crée de mauvaises références. Il a une bonne voix. Oh, putain, ça y est, ma carrière est finie. Bon, t'es là pourquoi? Pour le sexe conf. On en parle dans un petit instant avec toi. On a également la philo qui est là pour le sexe confessionnal. Et puis on a Arnold à qui on va filer des cadeaux. Mec, franchement, honnêtement, on est à la bourre ce soir. Arnold, on est méga à la bourre, Arnold. Tu sais quoi, moi je te propose, je te file déjà deux invitations pour aller au cinéma et demain on complétera le cadeau avec un autre jeu, mec, parce que je suis un peu à la bourre, ok? Yes, on fait comme ça. On a Naïma qui est là également. Tu bouges pas, tu raccroches pas, on prend tes coordonnées en antenne. On a Naïma qui est là aussi pour du sexe confessionnal. Bon bah je crois que ça y est, hein. C'est vendu. On bascule en mode trace adulte only. En mode réservé à un public averti. Voici le sexe confessionnal. Ce soir, dans le sexe confessionnal, on parle de... fellation. C'est une... Je connaissais la fée clochette, je ne connaissais pas la fellation. Si, je l'ai déjà vu au carnaval. Ah, bon Dieu. Si, je l'ai déjà vu au carnaval. Alors, nous sommes donc en compagnie de Maë et de Lilou, qui ce soir vont faire un duo à propos de la fellation. Mais on a des auditeurs également qui ont pas mal de choses à dire. En préambule, qu'est-ce qu'on peut dire à propos de la fellation? La sauce. Minimum de personnes. La pipe. Donne-moi toute la liste des synonymes, ça suffira en termes de préambule. Hein. Turlute, pipe, fellation, sauce, gâterie, sus. Après. Sauce, mais non ! Aïe, bonjour. En anglais, c'est quoi ? C'est blowjob. Blowjob. Blowjob. Ok. On sait jamais, ça peut vous rencarder sur YouPorn. Ouais. Alors, qu'est-ce qu'ils ont à nous raconter ? Naïma, la philo, Yannick. On commence par qui, Kesh ? Je vote pour Yannick, moi. Allez, c'est parti pour Yann. Salut Yann. Ben ouais. Alors Yann, qu'est-ce que t'as à nous dire à propos de la sauce? À propos de la sauce? À propos de la fellation? À propos de la fellation? À propos de la... Par contre mec, il faut que t'enlèves le côté écho. Ça fait vraiment gros pervers qui est dans une pièce toute vide et qui, qui a dépensé tout son argent en fait en porno, qui a pas de quoi s'acheter des meubles. Tu vois? Donc coupe le haut-parleur, pas de petite main libre. Et vas-y, c'est quoi ton expérience? Voilà, c'est le kit main libre. C'est le kit main libre. Ok, je t'entends beaucoup mieux là, frangin. Alors, ça t'évoque quoi en fait la pipe? Ben écoute, je sais pas, pour moi ça reste un passage préliminaire, pas dire obligatoire, hein, puisqu'il y en a qui n'aiment pas ça. Exact. Beaucoup n'aiment pas ça. Alors, est-ce que c'est un problème pour toi par exemple quand une nana, elle kiffe pas trop faire ça? Ah, pour être franc, ben, bien sûr que oui. En fait, est-ce que pour toi, la fellation peut être un, comment dirais-je, un rapport qui se suffit à lui-même? Parce que je comprends que tu prennes la dimension des nanas en leur demandant leur avis, machin, etc. C'est mieux, sinon c'est un viol. Mais tu prends leur avis, tu vois. Et effectivement, je sens que tu prends ça en compte dans ton analyse et que tu dis genre limite, ouais, bon... ça peut être qu'un préliminaire parce que les nanas entièrement dédiées à ça et qui finalement sont juste contentes de faire plaisir aux mecs à qui elles le font, c'est plutôt rare. C'est ce que j'ai l'impression d'entendre dans ton analyse, Yann. Mais, c'est ça, hein. Elles le font pas spécialement par envie. Ouais. Moi, je suis pas d'accord. Personnellement, je prends beaucoup de plaisir à la fellation parce que déjà... c'est quelque chose de oui. Sentir que son partenaire est à sa merci. Parce que concrètement, si j'ai ton sexe dans ma bouche, faire ne bouge pas trop quoi. Ouais, parce que sinon je peux te donner tu un lui coup as fait mal, là, ouais, un coup de nain. tu sais comment on l'appelle Lilou dans le milieu du porno? Cro-blanc. Non mais blague à part, tu vois, de sentir que tu as la main prise sur ton partenaire, de le sentir plus ou moins osciller selon tes mouvements, c'est quand même quelque chose de vachement agréable. Et c'est vachement excitant. Voilà, mais toi tu le perçois comme ça. Mais en gros ce qu'il expliquait c'est que c'est pas toutes les filles. Ah oui, je suis d'accord. Mais il y en a beaucoup aussi, c'est parce que ben, je discutais avec des amis récemment de ça et elles me disaient que ce qui leur coupait toute envie de le faire, c'est que le gars le demande. Ah non. LOL, l'arnaque les gars. Je l'aurais fait mais tu as demandé. Ouais, c'est ça. Bon. Couillonnade. Et c'est vrai que moi je le fais volontiers, mais c'est vrai que je suis pas sûre d'apprécier qu'on me le demande. Moi, je... Alors note bien que je ne t'ai rien demandé, Lilou. Et moi non plus. Oh les bâtards. Attends. Note bien que je ne t'ai rien demandé avant Yannick. Et note bien que je t'ai rien demandé même après Sabri. C'est encore plus subtil. C'est encore plus subtil. Bouge pas Yann, on a Naïma, on va avoir un petit avis féminin. Maman. Okay. Allô, yo, Naïma, tu m'entends? Oui. Yes. Alors, on a besoin d'un point de vue un peu féminin sur la fellation. Tu fais partie de quelle catégorie? Tu te lâches, t'es en mode anonyme dans la radio, tu nous racontes un peu tes turpitudes. C'est un mot un peu compliqué pour dire tes instincts de coquine, quoi. Ben, personnellement, ça ne me dérange pas de le faire. J'aime pas quand vous présentez ça, les trucs comme ça. Ça ne me dérange pas de le faire. Ça veut dire que quelque part, tu prends pas de plaisir ou alors tu assumes pas le plaisir que tu peux prendre à le faire. Non. Ça veut dire que si le gars me demande, ça va pas spécialement me déranger. Après, ça dépend de comment il demande aussi. Ouais. Mais la manière, la manière dont il faut pas demander pour pas te braquer, c'est quoi? Vas-y, suce-moi. Voilà, un truc comme ça. Genre, tu me demandes poliment, gentiment, machin. Mais ah ouais, donc, excusez-moi, mademoiselle Naïma, dussé-je peut-être vous bouleverser? J'oserais peut-être vous demander que vous me fellationnez. Ça te va, ça? Là, tu vois, c'est comment ça passe. Là, c'est bien ou c'est pas bien? Moi, c'est juste que je veux savoir, c'est bien ou c'est pas bien? Ouais, mais... C'est pas mal, c'est bon. Après, t'es loin de la radio ou pas? Après, t'en as, ils te le demandent, mais non verbalement. C'est-à-dire que quand tu fais des papouilles sur le torse ou quoi que ce soit, la personne met la main sur sa tête et essaye de faire des choses. Ça tourne autour du truc, ça tourne autour du truc. Cahier, arrêtez de jouer, descends. Tu joues trop avec ma bouche. Alors, est-ce que ça choque certaines d'entre vous quand le mec aide un petit peu à ce que la tête descende en appuyant dessus avec sa main? Non, c'est bien, pas du tout. T'aimes bien, toi? Oui. Maman, Dessy, putain, je comprends pourquoi j'ai rêvé de toi. Maé? Non, moi ça me choque pas du tout et ça me gêne pas non plus. Ça t'excite, à la différence. Énormément. Est-ce que... Ouais, alors, parce que vous avez remarqué, on a Yannick qui est assez franc là, tout à l'heure. Au téléphone, le mec il nous dit, ouais, bon, bah les filles, je sais que ça les branche pas toutes. Donc on sent que le mec déjà il marche sur des œufs. Et puis tu as Naïma qui débarque et qui dit, ça ne me dérange pas. C'est-à-dire que quelque part, on a parfois un peu l'impression que être une femme, c'est devoir être complexée ou avoir une certaine retenue en matière de sexe. J'ai l'impression. Ce que j'entends, vous, de ce que vous me racontez, c'est que ça ne vous dérange pas. Après, je sens pas, la seule personne dont j'ai entendu finalement que ça générait un plaisir et que ça pouvait la faire kiffer, c'est Lilou. Et c'est vrai que c'est intriguant parce que, quelque part, est-ce que c'est parce qu'on n'est pas, enfin, est-ce que c'est parce que les nanas sont pas à l'aise avec, avec la fellation, ou est-ce que c'est parce qu'elles aiment pas vraiment ça et que finalement, j'ai l'impression que vous parlez de quelque chose d'utile, en fait. Je pense qu'elles sont pas à l'aise déjà avec elles-mêmes à la base. Ça dépend du gars. Hein. Voilà, ça dépend du partenaire, comme je disais. Mais il y en a beaucoup qui trouvent que c'est un acte, comment dirais-je, avilissant. C'est se soumettre à l'homme. Alors que pas du tout, c'est plutôt l'inverse. C'est bien aussi de se soumettre à l'homme. J'ai pas compris ce que tu as dit, Naïm. C'est complètement l'inverse, tu n'es pas soumis. Non, mais ça peut être un peu des deux, ça dépend de la lecture de l'événement. Mais qui pensent que c'est se soumettre. Ça dépend de l'événement, mais généralement... C'est toi qui as la virilité du gars dans ta main ou dans ta bouche, c'est toi qui décides. C'est entre tes dents, tu peux dire. En général, la fellation, c'est plutôt dans tu as sa vie, son avenir et sa mort. Toi qui décides. Je ne sais pas. Toi qui décides. Tu lui fais du bien, tu le fais trembler, mais parce qu'il aime ça. Soit tu décides, tu le fais morfler et tu le fais pleurer sa mère. Ouais. C'est toi qui choisis. Ouais. T'as déjà fait pleurer sa mère? T'as déjà fait pleurer sa mère à quelqu'un? Pas dans le mauvais sens en tout cas. C'est-à-dire dans le bon sens? Ben dans le sens où, comme je suis sadique, aïe. Il me demande d'arrêter, mais moi j'arrête pas. Du coup le mec il est en train de supplier toi. Alors ça c'est très. Que... Alors on va vous dire la vérité. Peut-être que le gars a très mal en fait, il lui dit arrête s'il te plaît. Ouais. Non, elle arrête pas. Salope. Ou pas que demandez-moi ça encore. Il a des coups de dos. Alors, on leur dit la vérité ou pas, Sabri? Vas-y. Faut déjà s'accorder sur la vérité. Est-ce qu'on partage le même point de vue? En fait, en réalité, quand on vous dit arrête, certains d'entre nous savent très bien que c'est vous inciter à aller encore plus loin. Tu es en train de leur dévoiler la machination, la manipulation. Parce que c'est vrai que quelque part, en fait, bah, si forcément vous avez une manière de fonctionner, nous aussi on en a une pour essayer d'atteindre notre objectif en fait. Et concrètement, quand on te dit arrête parfois, c'est parce qu'on sait très bien que ça va t'inciter. Et on sait le dire de manière à ce que ça t'incite. Et pareil, arrête, tu vas me faire jouer. Arrête. On sait très bien que c'est comme dire le contraire. Mais si on disait le contraire, vous arrêteriez. Donc, on vous a grillé. Et certains d'entre vous, j'espère en tout cas, se sentent trahis. J'avais envie de vous salir ce soir. On a la Philo qui nous rejoint, bouge pas. Yann, tu veux rajouter quelque chose, mec? Beaucoup de choses ont été dites, mais je suis d'accord avec tout ce que vous avez dit là. Oui, Yann, tu m'en veux pas trop d'avoir dévoilé une de nos techniques? Non, c'est bon, c'est collectif. Pas de problème, Yann, bouge pas. On a la Philo qui nous rejoint du côté du standard. Bonsoir la Philo, allô. Bonsoir monsieur, bonsoir. Ça va mec? On va savoir tranquille le calme. Allez. Alors, qu'est-ce que t'as à nous dire à propos de la fellation? Bah, à mon avis, bon, c'est mon avis personnel, après, voilà, quoi. Il s'avère que quand des fois, si c'est nous qui sommes victimes de ça, voilà, enfin, victime, entre guillemets, je dis, voilà, quoi. Parce que victime consentante. Victime, le victime. Victime que, entre guillemets, je dis, voilà. J'estime que, bon, mais quand même, si, quand même, atteindre le paroxysme, voire même de la démence, tu vois, si je veux dire, parce que, bon, ben, se sentir quand même, on va dire le mot comme il le faut, sucer, comme on va dire, comme vous avez dit tout à l'heure, c'est quand même, voilà, c'est atteindre vraiment le paroxysme, quoi, voilà, c'est pas n'importe quoi. J'estime que dans une relation physique, quelle que soit, c'est sentimentale ou autre, qu'elle soit quelconque ou qu'elle soit peut-être pour, vraiment sincère, j'estime que bon, mais ça fait partie de ça, quoi, c'est logique. Bon, après, bon, ben, la chance vous la chandelle, comme on dit souvent. Après, bon, ben, je dis mon plat, bon, ben voilà, après, voilà, bon, après, ça dépend comment dire que c'est pas si tu nous décrivrais, si je nous décrivais, par exemple, la philo, la sauce parfaite, ok? La fellation, idéale. En fait, ça ressemble à quoi? Ça ressemble à quelque chose de profond, ça ressemble à quelque chose qui change de rythme, sachant, que ça peut être aussi quelque chose qui a le même rythme. Ça ressemble à quoi, la fellation idéale pour toi? Moi, je pense que c'est quelque chose de plus posé, quoi. En fait, faut pas être trop sauvage, parce que comme vous l'avez dit, la l'éditrice d'avant. Alors, écoute, moi, je vais te poser une question plus précise. Ok? Moi, je vois, enfin, mon procédé, c'est que d'abord, j'effleure avec le bout de la langue l'intégralité du sexe de monsieur et j'insiste sur le gland. Ouais, tu te balades, après, quoi. La meuf, on dirait qu'elle joue, tu sais. Laisse-moi terminer. Non, mais on dirait que tu joues à Monopoly. Je l'ai sur la bout de la langue, je l'ai sur le bout de la langue. Tu crées une frustration. Laisse-la jouer. Tu crées une frustration. Moi, ça me fait pas kiffer, ça. Et puis, tu prends monsieur dans ta bouche sans utiliser tes mains d'abord pour qu'il sente bien les lèvres. Sans les mains, sans les mains. Lilou le fait sans les mains. Au début. Tu fais quoi du coup après? Ben, je fais des va-et-vient, ok, avec les lèvres retroussées ou pas. Mademoiselle, ignon technique, tu sais, genre, ignon capote labiale, tu sais, mais complètement décapotable. Tu sais, genre, elle peut retrousser ses lèvres plus ou moins de manière ergonome. Après, tu peux aller plus au fond des choses. Ouais. Tu peux aller plus au fond des choses, et une fois que tu as atteint le fond, là, la main intervient. D'accord. Mais la question, on a bien compris la philo. Quand tu demandes qu'est-ce qu'elle fait des couilles, elle a toujours pas répondu. Hein. Eh ben, tu peux sortir ta langue à un moment donné pour aller titiller les testicules de monsieur. Et qui a déjà gobé des graines? Toi, t'as déjà gobé des graines? Moi. Toi aussi? Ouais. Tu kiffes bien ou pas, Maë? Ça dépend. Alors, c'est bien épilé. Ça dépend. Alors, quand, voilà, exactement. C'est quand l'épilation qui fait la différence, en fait. Attends, quand vous faites une lèche à madame, vous n'aimez pas avoir vos poils, non? Ça dépend. Non, je te crois pas. Je réponds comme tout le monde, ça dépend. Je te crois pas. Non, ouais. Ça arrive. Ticket de métro quand même. Non, ça dépend. Mais c'est pas sur les lèvres. Alors moi, il y a deux on choses. On n'est pas à cheval à ce point-là. Ouais, franchement. Parfois, il y a des lambis. J'irais même plus loin. J'irais même plus loin. Je pense qu'on n'est pas un cheveu près, quoi. Ouais. Le truc, que là où je rejoins, effectivement, tu me demandes si moi, par exemple, le ticket de métro, je préfère. Oui, le ticket de métro, je préfère. Ça dépend des périodes. Il y a une période, je sais pas pourquoi, j'ai bloqué sur un truc. Quand la nana était trop imberbe, ça me ramenait, tu vois, à me dire à l'enfance, j'aimais pas trop, tu vois. Après, ah, problème avec la justice. Et t'es mal. Frère, Jadio, pas transférer la vie à aussi moins, ok? Pas transformer expérience à aussi moins. Et à quel âge? Laisse-moi voir tes papiers d'identité. Si Hugo, c'est quoi toi ton point de vue sur la fellation? Ouais, vas-y, mec. Dis-moi, vous les garçons, vous avez déjà eu l'occasion de faire une à une meuf? Oui. Sans avoir une douche face à vous, quoi, en fait? Ah ben oui. Sans avoir quoi, pardon? Sans la douche, sans le savon. Qu'elle a plus d'une douche. Alors, franchement, honnêtement, ça, c'est vraiment le truc, ça passe ou ça casse, quoi. Parce que, sincèrement, il y a des nanas qui ont une odeur qui peuvent t'exciter. C'est aussi le rôle des phéromones, hein. Il y a des choses qui peuvent t'exciter, toi, et c'est pas forcément les mêmes choses que ton voisin. Bon, parfois, il se trouve que tu partages ta meuf avec ton voisin, donc c'est les mêmes choses que ton voisin. Mais, bref, tout ça pour dire que c'est pas, tu peux pas forcément dresser un portrait. Après, s'il y a un souci en bas, bah, tu commences. Et puis tu remontes pour lui faire un bisou, pour lui faire partager le fait que ça ne soit pas votre très amoureux. Et qu'éventuellement, il faudrait procéder à un lavage préalable. Alors, autant chez les filles, je pense qu'un garçon qui s'en tirait un peu trop fort, ça peut casser totalement le truc, ta soirée est ruinée. Autant je soupçonne les garçons de même quand ça sent pas très très bon, ils passent pas beaucoup de temps en bas, mais par contre, ils ont quand même gardé leur objectif jusqu'au bout. Apnée. Je peux tenir 45. Vas-y, Philo, tu voulais dire. Ils vont avec l'autre outil en fait. Ouais. De quoi? Ils vont avec l'autre outil. Ouais. Oui. Enfin, bon, en fait, tu t'approches, tu sais, comme ça. Et puis tu remontes discrètement. Et puis tout d'un coup, tu te rapproches un peu trop, puis tu fais. Je veux dire, je prends un petit peu de distance. Tu arrives avec ton fouet. Hugo, alors. Bah, moi, je pense que contrairement à ce que disent les filles, c'est elles qui sont dominées, hein. Quand elles font une fellation, elles dominent en fait, rien du tout. Alors toi, le kiff dans la fellation, c'est d'aimer dominer l'autre? Ouais, il y a de ça. Tu la prends par les cheveux, ouais, et tu dis, vas-y, vas-y. Vas-y. Voilà, la génération qui a appris sur YouPorn. N'importe quoi. Non, mais la vérité, c'est qu'on aime autant la pute qui peut le faire. Enfin, quand je dis la pute, c'est la nana lâchée. C'est-à-dire que concrètement, croyez pas que je dérespecte la femme. C'est que je me dis qu'en même temps. Oh, ça rentre, on l'a non, mais bah, de toute façon, elles le savent. Je pense que les gens me connaissent assez pour savoir que quand je parle d'une nana, pour moi, à l'intérieur. Nessie, ça va. J'ai rêvé de toi. Ça va, Nessie, calme-toi. Bref, tout ça pour dire qu'en fait, dans une femme sommeille une garce, une salope, par exemple, qu'on adorerait tous révéler. Et je pense que la fille, bien sous tout rapport et tout, extérieurement, peut être une vraie, vraie chienne au lit, et sans pour autant qu'on la dérespecte. Au contraire, on lui donne parfois aussi de la valeur sexuellement. C'est pas de toi qui parles, Lilou, c'est pas de non, toi. Franchement, honnêtement, j'ai pas d'expérience. La fille, bien sous tout rapport, n'importe quoi. Je suis bien sous tout rapport. Yann, tu veux rajouter quelque chose, mec? Merde, on a perdu Yann. C'est parce que mon standardiste s'est endormi en fait. Attends, bouge pas. En fellation. Parle doucement. Viens, attends, bouge pas. Rapproche-toi de lui. Doucement. Qu'est-ce qu'il fait? Ne fais pas. Cachez, c'est l'heure de se réveiller. Non, j'ai rien fait. Espèce de connard. Je te paye pas à dormir. Je t'en veux pas. Yannick, on t'a... Putain. En plus, le mec, il s'est endormi sur le standard. Il a raccroché sur Yannick direct, quoi. Nana, t'es toujours avec nous? Yep. Yes. Bon. Il est là. Attends, bouge pas. Deux petites secondes. Maintenant, je suis passé à autre chose. Deux secondes. Yannick, c'est pas toi qui décide dans cette émission. Bouge pas, Yann. Dans deux secondes, je suis à toi. Naïma. Oui. Il y a un truc dont on n'a pas parlé. Et j'ai pensé à toi. Ah bon, d'accord. Nana, on parle deep throat ou on parle pas deep throat? J'ai dit, on parle deep throat ou on parle pas deep throat? Tu me dis, je ne porte pas de culotte. J'ai entendu culotte. Attends, c'est-à-dire, tu portes pas de culotte tout le temps, même avec un jean ou quoi? Ou c'est juste quand tu portes des robes? Non, je porte du sous-vêtement, la culotte. Je porte des boxers, je porte des shorties, mais ce truc-là, je veux pas. On s'est pas compris, alors. Deep throat parle de culotte. Ouais. On te parle de deep throat. Tu réponds, je porte pas de culotte. On s'est pas compris. Quand je parle de deep throat, je parle de... L'exhibition, son commun. Non, je... C'est super mal, en fait. Non mais quand... Ben attends, je te l'articule super bien, ok? Deep throat, c'est prendre profondément les choses. Gorge profonde, si on traduit en français. Tu sais, le moment où tu peux presque plus respirer, le moment où ça récupère de la salive dans le fond de la gorge. Le moment où tu as deux doigts de vomir. Deep throat ou pas deep throat? 2 centimètres. Comment t'es au courant de tant de choses, Sabrina? Nana, deux petites secondes, s'il te plaît. Nana? Oui. Alors, deep float ou pas deep float? Parce qu'on n'a toujours pas la réponse. Non, je sais pas ça. Je sais pas. Je peux pas, en fait. Tu peux pas? Non, une fois que ça arrive un peu trop loin, tu vois, je me sens mal. C'est-à-dire? Bah, tu vois, tu parles d'étouffer. Ben moi, c'est psychologique. Du moment que ça va trop loin, je commence à paniquer. Je fais un bon. La réalité, c'est qu'il y a des raisons de paniquer, parce que si t'es vraiment en train d'étouffer, faut que t'arrêtes, ouais. Non, mais c'est même pas que j'étouffe, c'est juste que quand ça va trop loin dans ma bouche, ou quand ça va presque dans ma gorge, je me sens super mal. J'étouffe pas, je reste pour toujours. Mais c'est dans ma tête, j'ai l'impression que je vais étouffer, et du coup, je peux pas aller plus loin. Ouais. Je vois exactement, je vois exactement. Toi, t'as un frein. Certaines d'entre nous, j'allais dire, certaines d'elles n'ont pas forcément de frein. Maë, pas de frein. Tu n'as pas de frein. Du tout pas. C'est-à-dire que toi, le deep float, j'y vais. Banco. Ah ouais. Le deep float au point. Alors moi, c'est une vraie question que je vais poser parce qu'effectivement, c'est parmi les images les moins, les moins. Tu n'as pas de frein. La profondeur, son commun. En fait, toi, le deep float, donc concrètement, tu prends tout dans la gorge, machin, etc. Ouais. Tu joues comment, en fait, avec ça? Parce que, est-ce que ça te provoque une sensation d'étouffement? Est-ce que c'est le plaisir de... Parce que nous, on voit exactement le plaisir qu'on a à le faire intégralement, par exemple. Alors, le plaisir, c'est sûr que... Ça a commencé comment, ta carrière au cirque? Ben moi, contrairement à Lilou, je ne joue pas avec ma langue, forcément, au début, le prépuce, enfin le... Attends. Pardon, c'est bon? C'est marrant parce qu'en fait on est en train de parler de fellation, la meuf on dirait qu'elle détourne la bouche un peu du micro, c'est elle a peur de... Ouais, j'ai alors... peur de te manger. Ok, tu veux faire un deep float sur mon micro? Attention, 1, 2, 3. C'est pas... Il y a des images qui seraient pas bon du tout de diffuser de l'émission. Ok, je sais que t'es en train de filmer Tikam, mais non. Non, celle-là tu la gardes pour nous. Ah non, celle-là elle est pour nous. Donc, elle est pour nous. Elle est pour nous. Je vais franchement en fait, et le plaisir que ça me procure pour la suite, c'est de savoir que justement mon partenaire il kiffe ça. Ouais. En fait, tu nourris beaucoup ton plaisir du plaisir que peut ressentir. Exactement. L'autre au fait que tu l'épates. Ness. Oui. Des plotes ou pas des plotes? Non. Enfin, moi j'ai une trop petite bouche. Donc je fais... Et puis j'ai un partenaire qui a quelque chose de consistant. Tu as donc une petite bouche, Nessie? J'ai une petite ouverture buccale. Déjà... Oui, parce que tu as déjà vu ta bouche d'extérieur? Même le dentiste... Même le dentiste, quand il a fallu m'opérer, il y a eu tout un protocole où... Ils lui ont ouvert, voilà. Tu sais, chaque joue comme le Joker. Et, on et depuis, dans le milieu hospitalier, on l'appelle Barracuda. Vas-y, donc ouvre je pour fais voir. Ce que je peux, quoi. Ouvre. Ouais, non, non, on sent qu'elle a une mâchoire étroite. Et même le dentiste, chez le dentiste, c'est marrant, j'ai du c'est mal... pas le souvenir que j'en ai de mon rêve, mais j'ai du mal à laisser la bouche ouverte trop longtemps. Ouais. Ah ouais, non, mais si tu refermes brutalement, non, c'est... Donc, avec mon partenaire... La meuf, tu sais, dans le milieu... Alors, attends, j'ai donné plein de surnoms, là. J'ai donné quel surnom à qui, là, il y a deux secondes? J'ai appelé qui Toi, je t'ai appelé Barracuda? Ouais. En fait, c'est piège à loup, en fait, qu'il faut t'appeler. Tu sais, le truc se referme à n'importe quel moment et tu perds ta virilité. Comme mon chéri, il aime beaucoup qu'on joue au niveau de ses boules, ben, finalement, je privilégie, là. Ok, Lilou. Ben moi oui, parce que c'est le seul moyen de pouvoir atteindre la testicule avec la langue. Ah, c'est donc ça l'utilisation. Ah, regarde Hugo. Hugo rien dit. Hugo, tu sais, dans sa tête, il est en mode. Hugo, dans sa tête, il est en mode. Avec laquelle vais-je finir la soirée? Je crois que Nessie, elle est déjà prise. Entre Maë et Lilou, comment puis-je faire? Quelle stratégie puis-je développer pour arriver jusqu'au bout de l'aventure avec l'une d'entre elles? Je la nomine ce soir! Affaire à suivre. Alors Hugo, t'étais en train de te faire des images dans la tête tranquille? Ouais, sur ce qu'elle disait, j'imaginais. Ah, t'as kiffé? Mais c'est quoi cette question? Elle avait du rouge! Putain! Je t'appelle le bicolore, officiellement, dans cette émission. Je viens de découvrir une nouvelle teinte de ton visage. On a fait le tour ou pas? Nana, quelque chose à rajouter, Miss? Non, parce que je vois pas spécialement. Ah si, peut-être. Ouais. Quand tu parlais des meufs super pénibles, la machin, qui peuvent être de vrais... Alors, il y a pas de mots. Ouais. Non mais alors attention, Nana, moi mon point de vue sur la question, c'est que en chacune d'entre vous, il y a une salope qui sommeille, qui s'ignore et qui parfois se révèle et qui en plus parfois est assumée. Ok. Moi, pour moi, donc, c'est pas péjoratif. Ce côté schizophrène, en fait, c'est pas méchant quand je dis ça. Au contraire, moi, j'aime qu'une femme soit une femme respectable et en même temps, par certains aspects, une salope. Maintenant, si elle est une salope avec tout le monde, au final, ça devient une salope pour tout le monde. Tu vois ce que je veux te dire? Je te parle de ces petits trucs un peu secrets, un peu intimes qu'on peut partager, machin, etc. Genre quand on se regarde dans les yeux, tu sais très bien que je t'ai vu comme jamais personne d'autre t'a vu. Tu vois ce que je veux te dire ou pas? Oui, je vois, t'inquiète. Ben voilà, c'est de ça dont je parle, en fait. Bah, à l'inverse, t'as des meufs, elles ont la bouche sale, mais tu vois, quand tu les entends parler, tu t'imagines la meuf, c'est une grosse chaude, c'est une grosse pervers, c'est tout. Alors qu'en fait, une fois que t'es dans le lit, c'est une étoile de mer, la meuf, elle sait rien faire, et c'est juste du blabla qu'elle a dans la bouche, tu vois. Et ça, c'est chiant. Mais en même temps, ça existe. Faut faire avec. Ouais, mais en fait, je vois pas qu'est-ce qui peut aimer ça, perso. Hein, mais la plupart de mes potes, quand ils ont eu ça, j'en ai un limite, il s'est barré directement. Il avait même plus envie de se barrer direct. Donc, je sais pas si vous, ça vous plaît ou pas, je fiche pas de vous aider avec les boeufs comme ça, en fait. Mais non, mais c'est pas salope à proprement parler. C'est-à-dire que, non, mais... pour un mec, sa compagne parfaite, c'est une femme bien sûr tout rapport, qui va bien s'entendre avec ses potes, quitte à jouer une belote, un domino, mais qui à côté de ça, quand il sera juste avec elle, juste, quand elle est avec lui, elle se libère totalement et elle fait des trucs qu'elle n'a peut-être jamais osé faire avant. Et ça, c'est une forme d'intimité et de confiance que tu ne peux trouver qu'au sein de certains couples. Président Votez pour elle. Hillary Clinton. Elle va couillonner toutes les femmes à notre place. Maman. En fait, c'est ça. C'est ça le fantasme non, de contre, tous les hommes. Arrête-toi là, c'est bon. C'est vrai. Il faut que tu quittes la scène sur une haute note. Sur une victoire. Tu risques de rajouter un truc. Tu arrives comme une princesse, tu vois pas comme une non, bitch sérieux, queen. Tous les hommes rêvent de ça. Une bitch queen. Tu vois pas comme une bitch queen. Tous les hommes rêvent de ça. Yannick, tu veux rajouter quelque chose, mec? Monsieur depuis tout à l'heure, je ne prends pas part à votre conversation. Par contre, ne raccrochez pas surtout sur moi. Je suis là, dans mon salon, tranquillement, la main dans mon slip. Et j'écoute ce que vous disiez. Yannick, je peux te poser une question? À quel Yannick tu parles? À Yannick l'auditeur. Ok, Yannick l'auditeur. Je peux te poser une question? Oui. Alors, que penses-tu du fait de continuer la fellation, même après l'éjaculation? Je sais que c'est une torture dans la plupart des cas, mais c'est une torture extrêmement jouissive, non? Yannick, on t'écoute. Vous avez jamais vu cette animation sur Facebook du mec qui est électrocuté et qui, au fur et à mesure, devient un squelette? Et puis, le titre, c'est « Quand ta meuf continue à te sucer, même après que t'es joui ». Moi, c'est exactement ce que je ressens. C'est quand même une sublime torture, non? Je déteste. Yann. Ouais. Oui. Ça, c'est désagréable. Qu'est-ce que tu en penses? Ah, mais sincèrement, ouais, ça peut être désagréable. Oui, je confirme. C'est ça, c'est un court-circuit dans le corps, tu vois. C'est okay. Attraction-répulsion. T'as envie encore? Et en même temps, ça te... Ouais, mais toi, tu vas finir accroché les quatre fers en l'air, les quatre membres en l'air, comme ça, avec une nana qui te tape. Vous avez jamais vu ces genres de vidéos? Genre le mec, il se prépare... Je me rappelle du bruit. Il se prépare à jouer, et puis la nana lui fout un coup de poing dans les boules. Il y avait l'autre avec sa batte, elle lui a fait un coup de batte. Ah oui, il a fait avec une batte. Et on regarde définitivement pas les mêmes pornos. Attends, Yann, tu dis quelque chose, Yann, vas-y. J'ai vu un truc comme ça, l'histoire de coupons dans les couilles, là. Ah ouais. Eh ben, je sais pas comment il fait, le gars. Bon, alors, t'essayes quand? Tu le tiens au courant, Yannick, si tu peux parler. Yannick, tu sais, ce soir, c'est bon, bah, les gars, j'ai vu cette vidéo aussi. Lundi, il revient, il a essayé ce week-end, tu sais. Bon, alors, les gars, c'est une mauvaise idée. Bonne soirée, tout le monde, on se retrouve demain, même heure, même antenne, ici même, sur... Trace FM. Trace FM. L'iPhone 7. Tu le veux ?